Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui une semaine sur deux vous parle de cinéma fantastique. Je suis Corentin et on est avec Roman. Roman, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Et pour un épisode, ma foi, fort particulier, pas par son thème, mais par la composition de l'équipe, aujourd'hui nous ne sommes pas deux, mais trois autour du micro, on est avec Ulysse. Comment ça va mon Ulysse ? Bah écoute, ça va très bien, merci de m'avoir invité. Mais merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc pour cet épisode, on continue sur l'exploration de différents sous-genres du cinéma fantastique, sous-genres qui nous sont chers, avec cette semaine un sous-genre, on va dire, plus... peut-être un peu plus trash, un peu plus expérimental, un peu plus particulier, je pense. Des films péchu, ouais. Un peu plus identitaires, on va dire, ça, voilà. que ce qu'on a pu voir jusque-là. Ulysse, est-ce que tu veux nous dire quel est le thème qu'on a dans l'épisode du jour ? De toute façon, les gens ont sûrement vu le titre, mais ça va être le body horror. Body horror, est-ce que tu veux aussi nous donner une petite définition, rapide ? Body horror, ça va être tout un pan du cinéma fantastique ou d'horreur, plutôt d'horreur, hein, mais qui plutôt va être... Horreur, ouais. Ouais. Qui va être vraiment axé sur le corps, en fait. C'est-à-dire tout ce qui est déformation physique, tout ce qui est... trituration de la chair. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment tout ce qui va s'amuser en putréfaction. C'est ça, notamment. En général, ce qui a trait au corps et ce que tu... Toutes les modifications et toutes les choses que tu peux lui faire subir. Ouais, c'est ça. Et avant de démarrer, toi, rapidement, Roman, c'est quoi ton rapport au body horror en général ? Alors, ça va être assez basique, c'est-à-dire que... À 12-13 ans, je découvre The Thing. Le choc. Voilà, finalement. Et quelques... très peu de temps après, je découvre La Mouche. Deuxième choc. Voilà, donc c'est... je démarre un peu avec les gros classiques du genre. Mais c'est pas un genre que j'ai spécialement creusé, disons. Toi, Ulysse, il me semble que toi, le body horror, t'es plus une bitch à body horror, toi. Ah ouais, vraiment. Bah, mon rapport avec le body horror, c'est un... C'est vraiment simplement que en m'attendant des films d'horreur, je me suis rendu compte que c'était un style qui me plaisait particulièrement. Tout ce que ça amène derrière aussi, le fait de toucher un peu au corps, quelque chose de très... Au corps et par extension à l'esprit en général. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est qu'être humain ? Ça, généralement, on va en revenir dans l'épisode sur ces questionnements-là qui sont très liés au body horror, mais... c'est quelque chose qui me fascine. À la fois pour ces excentricités graphiques, parce que le body horror, plus ça va loin, plus on aime ça. voilà. Mais oui, généralement, donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et ben moi, pour le coup, je pense que je vais un peu rejoindre Roman, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à voir vraiment des films, moi, j'avais aussi vu The Thing assez tôt. Donc déjà, tu te dis que c'est quelque chose que tu n'as pas vu jusque-là. Et moi, pour le coup, c'est un film qu'on n'a pas pris pour la sélection, mais qui est un autre film qui m'a pas mal marqué en démarrant et en commençant à appréhender ce que c'est que le body horror. C'est Le Retour des Morts Vivants 3. Oui. Avec du coup Mindy Clark qui se charcute pour se rappeler qu'elle est vivante. Que ouais. j'ai pas vu, j'ai vu que le. Qui est très bon film, très très très bon film. Réalisé par Yuzna. C'est Yuzna qui a fait le 3. Formidable. Vraiment, c'est un genre que j'aime bien, mais pour un plaisir beaucoup plus basique, je pense que toi, Elise, c'est vraiment le côté bourrin. Généralement, moi j'aime bien quand ça va vraiment assez loin et que c'est souvent assez. Assez crapoteux, assez vicelard. Mais. C'est pour ça, et souvent ce que j'aime bien dans le body horror, c'est vraiment tout ce que ça peut offrir. Ce que je veux voir dans un film de body horror, c'est de l'imprévu, c'est de l'improbable, c'est des choses que j'ai jamais vues avant. C'est vraiment voir du sale, en fait. Vraiment, c'est ça globalement qui m'intéresse. Et donc, je vous propose qu'on dévoile déjà la sélection. Roman, est-ce que tu veux commencer par dire tes films ? Eh ben, je propose qu'on dise chacun notre tour dans l'ordre dont on va parler. C'est ce que je propose. Donc, c'est-à-dire que je vais commencer par Au-delà du réel, ou Alter State de Ken Russell. De Ken Russell. En 80. Et ton deuxième, tu veux dire chacun de nos deux films, du coup. Peut-être qu'on dit chacun notre tour dans l'ordre dont on va parler. Toi. Moi, je vais parler de La Mouche de David Cronenberg. Ensuite, on conclura les années 80. On a vraiment pas fait exprès, mais on a deux phases. C'est-à-dire qu'on a une phase années 80, une phase années 2010. Et 2020. 2010-2020. Et moi, je conclurai les années 80 avec la dose de fun, peut-être, de cette élection qui est From Beyond ou Aux Portes de l'Au-delà. J'adore ce titre, putain. Ouais. De Stuart Gordon, qui est de 86. Et ensuite, on attaquera les années 2010. On fait un saut de 25 ans. Voilà, à nouveau avec moi. Avec American Mary des sœurs Soska, Jen et Sylvia Soska, ouais, sorti en 2012. Ensuite, on aura Spring de Justin Benson et Aaron Moorhead. Ouais, à chaque fois, j'inverse leurs prénoms. Benson et Moorhead. Sorti ouais. en 2014. Et on finira avec. On finira avec Titan de Julia Ducournau, sorti en 2021. En 2021. Et bah, je te propose qu'on attaque, Roman. Tu nous démarres sur Altered State ? Et voir donc, on démarre. Alter State, donc c'est un film réalisé par Ken Russell. Donc Ken Russell, à qui on doit notamment son film le plus connu, Les Diables. Amen. Très bon film. Et à qui on doit Gothic, que j'ai pas encore vu. Très bon film aussi. Et à qui on doit Tommy. Beaucoup de biopics sur des compositeurs. Ouais, genre The Music Lovers, Itzomania. Ou... C'est Listomania que j'avais en tête. Itzomania. Plein de trucs comme ça. Et donc c'est un scénario qui est adapté d'un roman de Paddy Chayefsky, qui a aussi scénarisé le film d'ailleurs. Donc voilà, c'est de lui que c'est adapté, il l'a aussi scénarisé. D'ailleurs il a eu des gros désaccords avec Ken Russell, parce que Ken Russell faisait... Tu m'étonnes. Oui, mais Ken Russell n'est même pas crédité au scénario. Bah, pour le coup, Ken Russell fait partie de ses auteurs avec ce notion où je pense que quand ils adaptent quelque chose, l'auteur original fait le deuil de son œuvre. C'est... Mais justement, c'est pas lui qui est en charge de l'adaptation. Stephen King, sûr. Ah, mais vraiment, hein. Mais il l'a pas écrit, donc... Bah du coup, je pense que... Mais après, quand tu vois le film, j'ai aucun mal à imaginer que l'auteur de base a dû se dire que c'était peut-être pas lui, que c'était pas vraiment ce qu'il voulait. Ouais, parce que pour le coup, on retrouve vraiment la patte de Ken Russell dans quasi tous les plans du film, en fait. Hein. Dans tout le film, en général. Oui, pas d'accord, mais il a surtout pas aimé ce qu'il faisait de ses personnages. Compréhensible aussi, remarque. Hein, compréhensible, mais vu que c'est pas lui qui a écrit les personnages... Tant pis pour lui. Tant pis pour lui, exactement, c'est une adaptation. Hein. Voilà. Mais donc... De qui est sa cause les diables L'autre. Ah ouais, allez. Ah, je savais pas qu'on passe ce film, moi je suis content. On change de sujet. Donc de qui est sa cause au-delà du réel. Donc ça parle d'expérience, on va dire expérimentale, hein. Bah c'est... Voilà. Plus simplement, c'est un scientifique qui fait des expériences. Qui fait des expériences sur les caissons de privation sensorielle. Sur les différents niveaux de conscience. En fait, il part du principe qu'il existe différents niveaux de conscience dans ton esprit, et il veut voir jusqu'où il peut aller. Il n'y a pas que ça aussi. Simplement, en fait, il prend en compte le fait que les atomes ont une mémoire. Oui, mais c'est... Est-ce qu'on pourrait, du coup, remonter à l'origine de la mémoire de ces atomes? Mais pour faire simple, il travaille, du coup, sur ça, sur jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Mais à un moment, il tombe sur une drogue, qui est un espèce de mélange à base d'ayahuasca et toutes sortes de choses, qu'il décide de mêler à ses expériences. Et ça part en couille. Au sens simiesque du terme. Simiesque, exactement. Barré du terme, en fait. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Bah, Big Monkey Film, j'adore. Non, sérieusement, c'est un de mes films préférés, je pense. Ken Russell, c'est un auteur que je sacralise énormément. Et là, on est sur un de ces films où il va le plus partir en couille dans des délires de body horror assez surprenants. Parce qu'on peut pas nier que le film soit vraiment surprenant. Hein. Non, pour le coup, un truc qu'on peut lui donner, c'est que quand tu vois le film, tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles, notamment, il y a l'image qui est très connue, mais c'est de l'homme à tête de bouc aux multiples yeux crucifié sur les croix. Pourtant, c'est pas le plan le plus intéressant. C'est celui qui m'a le plus marqué, ou l'image de la Terre, où il y a toutes les croix les unes à côté des autres, qui est assez cool. Mais... Moi, je crois le plan qui m'a le plus marqué et qui m'est vraiment resté, hein, mais c'est ce plan où le mec est en train de totalement triper. Et il est genre dans une sorte de vide avec un énorme vent. Et il est en face de sa go. Qui devient un lézard. Pas un lézard, une sorte de statue un peu comme le sphinx. Puis qui va devenir du sable. C'est après qu'elle devient un lézard. Oui. Puis qui va devenir une sorte de statue en sable qui va finir par s'effriter avec le vent. Enfin, c'est un truc qui m'a retourné la gueule, vraiment. C'est assez barge. Mais toi, Roman, qu'est-ce que t'en as pensé? Je pense qu'on sera peut-être plus en accord, toi et moi. Ouais, c'est... Alors, honnêtement, de Ken Russell, j'avais vu que Les Diables. Amen. Ça. Dans quelle version, Les Diables? Courte, longue, pas sortie? Je t'avoue que j'en sais rien du tout. Non, c'était un hommage aux nombreux légers problèmes de censure qu'a eu le film. Léger. Que Warner veut toujours pas sortir en version intégrale. C'est compliqué. Hashtag Freeze the Devil. Hein. C'est compliqué. Hashtag Release the Russell Cut. Release the Russell Cut. Non, je pense pas qu'il y aura des fans comme ça, mais... Russell est mort, en plus, c'est Altered compliqué. State, c'est... Pour toi, c'était comment? Comment s'est passé le visionnage? Bah, le visionnage, pour le coup, c'est pas ce que je qualifierais d'un film foncièrement dérangeant. Enfin, je veux dire... Ça va, quoi. Ouais. Mais c'était assez cool, franchement. C'est une trame assez, assez convenue, pour le coup. On n'est pas du tout sur un truc comme Les Diables, justement, où tu suis Où il va rejeter les canons de narration conventionnels pour proposer un truc quasiment hallucinatoire, en fait. C'est ça, donc là, on est sur un truc plus, plus conventionnel, et bah, franchement, ça fait bien le taf, et ça part justement en film de monstre à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est pour le coup assez plaisant. Bah, en ce qui me concerne, je pense que je vais être le plus mitigé, parce que moi, c'est amusant, mais sur la sélection, avant qu'on démarre, allez, il y en avait 2-3 que j'aimais bien, un que j'avais pas vu et deux que j'aimais pas trop. Bah, au final, il y en a 2 que j'aime bien, 3 que j'aime pas trop et un que j'ai vraiment détesté. Et lui, il est dans ceux que j'ai pas trop aimé, malheureusement. En fait, c'est un film qui marque, c'est clairement un film qui marque, c'est-à-dire qu'il y a des images qui restent gravées et dont on se rappelle très longtemps après. Ça brasse des concepts métaphysiques assez passionnants, comme lui s'en a parlé, mais c'est le moment où le héros va se transformer en singe. Ouais. Pour ensuite aller arpenter les rues, se retrouver dans un zoo, enfin bref. Et parce qu'on explique juste pourquoi il se transforme en singe, c'est que avec ses expériences hallucinatoires, il va remonter en fait aux premiers âges de l'homme, donc à l'époque des homo erectus. Il va retrouver son état simiesque, en fait. C'est ça, son état simiesque, son état à mi-chemin entre l'homme et le singe, en fait. Et enfin, à l'époque de l'ancêtre commun, disons, voilà. Ouais. Et il va commencer à développer des caractéristiques physiques de cette époque-là, alors qu'il les a juste hallucinées. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir toute la transformation. Encore une fois, le côté de Jekyll et Hyde aussi. Oui, que tu peux retrouver. Mais en fait, je trouve ça vraiment intéressant, d'autant que Ken Russell, c'est clairement un auteur. Moi, je le mets souvent en parallèle avec un artiste de la même époque. Je sais pas si vous voyez qui c'est un autre réalisateur qui s'appelle Kenneth Anger, qui a réalisé notamment Scorpio Rising, qui a, je pense, un tout petit peu influencé Nicolas Winding Refn pour Drive. C'est de là que vient la célèbre veste avec le scorpion à l'arrière. Attends, il a fait quoi d'autre Anger déjà? Lucifer Rising aussi, qui est un film que... truc de 20 minutes et quelques, qui me semble, que j'adore, qui est un truc autour du satanisme qui est assez impressionnant, mais qui là pour le coup n'a aucune narration et c'est vraiment plus une espèce d'accumulation de visions très impressionnante. Et faut savoir que Kenneth Anger, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve ça très beaucoup plus marquant que en tout cas Altered State, parce que ce que je reproche à Altered State, c'est tout d'abord, très personnellement, il a un rythme que je trouve qu'il a un ventre mou. Il dure 1h40 à peu près, un peu plus d'une heure 40. Et pour moi, là, entre la première heure et entre 1h et 1h20, ça galère un peu. Et je trouve que tous les concepts qu'il va brasser sont super intéressants, mais sont trop, comment dire, abstraits pour vraiment réussir à me prendre. Mais sans atteindre un niveau d'abstraction à la Kenneth Anger, il va vouloir mélanger une narration plus conventionnelle, tu l'as dit, un espèce de carcan de narration qui va suivre du coup lui qui fait ses expériences, tout en étant présent des images assez barges à nouveau, qui sont marquantes, qui clairement sont impressionnantes, mais qui, moi, ne me prennent pas suffisamment pour vraiment me retenir. Donc c'est pour ça qu'Altered State, je l'ai vu, j'ai bien aimé, mais est-ce que j'aurais envie de le revoir? Non. Et est-ce que je me suis dit dans le film, « Waouh, ça, vraiment, c'est trop bien !» Pas tant que ça. La première fois que je l'ai vu, je m'étais fait la même remarque, mais la première fois que je l'ai vu, j'avais été plus fasciné par les images complètement barges que le film peut proposer, parce que bah, tu sais pas à quoi t'attendre, tu vois le bonhomme crucifié, tu fais « Ah, c'est surprenant !» Mais ouais, et il me semble qu'il y a une jeune actrice dans le film qui fait ses débuts. Bon, c'est ça, débuts. Bah, très court, mais... Justement, on va parler du casting. Donc, au cast, on retrouve donc dans le rôle principal William Hurt, qui a joué pour Cronenberg, on en reparlera. Tiens. Voilà, donc dans History of Violence. Non, pas son meilleur film, hein, vraiment. Qui a joué dans Lost in Space. Très bon film, History of Violence. Et qui a joué dans beaucoup de films du MCU aussi. Vu qu'il joue le général Ross. Qui est mort d'ailleurs, William Hurt. Et qui est mort cette année en mars, je crois. Il a son âme, évidemment. On retrouve aussi Blair Brown, qui a joué dans Space Cowboys de Clint Eastwood. Que des chefs-d'œuvre. Hein. On retrouve Bob Balaban, qui a joué dans Rencontre du Troisième Type ou dans Truman Capote. Oh, il joue quel personnage dans Truman Capote? Je sais pas, je l'ai pas vu. Ok, bah très cool. Et on retrouve Charles Hayde, qui joue notamment dans Cabal de Clive Barker. Ça, c'est incroyable. Nightbreed. Et il joue quel personnage? Pousse le boulot, Roman! Pousse le boulot! Aïe. Et donc, la jeune actrice qui fait ses débuts, c'est un tout jeune bébé dans le film, mais c'est Drew Barrymore. Avant E.T. C'est ça, on est 2 ans avant E.T. à cette époque-là. Enfin, après, Drew Barrymore, vous voyez pas le film pour elle, hein. Elle doit avoir peut-être 30 secondes d'écran. C'est ça. Vous voyez le film pour d'autres choses, par contre, vraiment. Oui, non, c'est pas un film qu'on peut décommander, on va dire, pas comme un autre. Non, vraiment. Mais c'est space, c'est une expérience. C'est culte, hein, ça garde quand même un intérêt à voir. Mais on peut totalement passer à côté. Hein. C'est... Comme on peut totalement halluciner. Moi, vraiment, c'est un film que je recommanderais. Je pense que c'est un film à voir sous certains états, peut-être. Ça doit aider à son appréciation. Dans des états alternatifs. Oh, joli. Pour l'avoir vu dans des états alternatifs, c'est très très chouette. Je n'ai aucun mal à imaginer ça. sous Sequoia, les états. Hein. C'est à voir sous Sequoia, peut-être. Bien sûr, bien sûr. Donc, si on veut rester sur l'aspect technique, la musique, vous embarquez ? Ouais. Non. Moi non plus. je la trouve très atmosphérique et elle fonctionne. Ah, c'est pour ça qu'elle m'a pas marqué. Donc elle est composée par le grand John Carigliano. Qui a fait ? Rien. D'accord. Oui, voilà. C'est pas le point fort du film, la musique, mais moi je trouve qu'elle fonctionne. Bah, pour le coup, en fait, c'est vraiment un film, j'avoue. En fait, les images sont tellement fortes que limite ce qu'il y a derrière pour accompagner généralement musical. J'y prêtais pas vraiment attention. Ouais, par contre, les deux aspects du film, genre la photo, qui sont quand même. La photo est incroyable. La photo est assez dingue, mais à nouveau, c'est vraiment. C'est un film à image. Tout ce qui se passe, c'est dans les sortes de cavernes des Mayas, de la tribu, là. Des natifs américains, je crois. C'est ça. Et donc, là. C'est les tribus, j'allais dire, ayahuasca. C'est au Mexique, c'est les tribus mexicaines, du coup. De la drogue, ouais. Mais donc, le chef op, donc l'image, on la doit à Jordan Cronenweth, qui est notamment le directeur de photo de Blade Runner. Ah. En toute simplicité. En toute simplicité, voilà. Toute simplicité. Donc voilà, le bonhomme touche sa ligne. Et on parlait des effets spéciaux aussi, avec l'espèce de bouc. D'homme à tête de bouc. Voilà. Ouais. Sachant que l'image d'homme à tête de bouc sur la croix en feu, elle est très connue. Hein. Oui, c'est, oui. Enfin, suffit d'avoir cherché un tout petit peu sur le cinéma des années 80. J'ai vu le film, je fais oh putain, ça vient de là. Ça vient de là, ouais. C'est... Enfin, nous, et le film, j'y vois également juste énormément d'influence, je pensais à l'instant, sur un cinéma que j'aime beaucoup, que je sais qui ne fait pas l'unanimité, mais qui est le cinéma de Panos Cosmatos. Déjà Mandy, il y a cette façon de proposer des images complètement hallucinées dans Mandy, j'y vois clairement des références à Altered State. Et aussi, le film précédent du bonhomme, Beyond the Black Rainbow, est pour moi limite un remake de Altered State, mais je préfère Beyond the Black Rainbow parce que Beyond the Black Rainbow va pousser le truc en étant quasiment tout le temps dans l'hallucinatoire. Et est-ce que Cosmatos reste sur cette lancée dans son épisode du Grévin Curiosité ? Je l'ai pas encore vu, encore vu The Viewing, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est un des meilleurs. Sachant que de base, le niveau standard est quand même plutôt haut, sauf pour l'épisode 4. Et ouais, j'ai détesté l'épisode 4. Et, Annalie Ripour, là ? Ouais, je peux pas, son cinéma, j'y arrive pas. Mais ouais, de ce que j'ai vu sur The Viewing, ça reste du Cosmatos, et vraiment, ça a l'air très solide. Donc ouais, mais... À nouveau, Altered State, c'est à voir, c'est vraiment à voir. Ok. Voyez-le. Et donc, les effets spéciaux. On a deux noms qui ressortent, notamment un qui est lié à l'épisode d'avant, à l'épisode sur l'Espagne, c'est-à-dire qu'il y a David Domeyer qui a bossé sur les effets spéciaux de donc deux films de David Lynch, à savoir Mulholland Drive et Sailor et Lula. Le bonhomme pèse bien aussi. Voilà, qui a un lien donc avec Perdita Durango. Et aussi sur Vanilla Sky. Je vais aller vomir, je vois tout de suite. tu réveilles des mauvais souvenirs là. C'est, voilà, donc faut pas parler ça. Le remake américain de Ouvre les yeux. Mais aussi sur Blowout de Palma. C'est un bon. On en a parlé tout à l'heure, justement. On en a parlé hors antenne. Aussi sur Le Trône original et sur Spider-Man de Sam Raimi. Ah ouais, le bonhomme a quand même bien. Mais c'est rien à côté de l'autre, Chuck Gaspard, qui a bossé dans un. Qui, en plus d'avoir un super nom. C'est vraiment genre Gaspard Noé, mais version américaine. Salut, moi c'est Chuck, j'ai appelé mon fusil Bertha. Je dors avec mon skate. Mais donc, qui a bossé sur les effets de. Et là, il va y avoir du nom. SOS Fantôme 1 et 2. Oh, on aime. Anaconda, Armageddon. Anaconda, lequel ? L'original, le premier. Oh, donc ça va, donc le blanc. Donc Anaconda, Armageddon, Waterworld, 3 Burton, Batman le Défi, Pee-wee et Beetlejuice. Ah, donc. Un monstre quand même, parce que genre les trois Burton que t'as dit, déjà ça pèse, et Waterworld en termes de production design et d'effets spéciaux, ouais, ça tue totalement. Voilà, totalement. L'Exorciste 2 de John Boorman. Putain, c'est vrai que c'est John Boorman qui a les effets sont bien, même si les blablards a fait la casse-couille et voulait pas être maquillé, mais voilà. Ouais, les effets sont sympas, c'est. Ouais. Mais t'inquiète, après ça va être sur d'autres films. L'Arme Fatale, La Famille Adams, 1 et 2. Un seul. Bien. Bah déjà, si jamais c'est lui qui a donné vie à la main, je le remercie pour ça. Le Wally raciste Short Circuit. Ah. J'ai pas vu ce truc. Je l'ai vu ce truc. C'est quoi ? C'est un film des années 80 où t'as un robot militaire qui devient conscient et qui. Mais vraiment un robot à la Wally avec des roues et tout, avec des chaînes comme ça. Ouais. Qui devient conscient et qui va. Draguer très fortement une meuf. Qui a fait ce truc ? Je sais plus. Il y a un 2. Je te laisse reprendre, je fact-check à l'instant. Et aussi, accessoirement, le gars a commencé sa carrière sur Les Oiseaux d'Hitchcock. Pas mal. Bien. J'ai ma réponse à fact-check. C'est John Badham, que je ne connais pas du tout, mais je vois l'affiche, je la connaissais. Et la suite s'appelle Appelez-moi Johnny 5. Oui, et l'affiche est une matière à cauchemar qui est... Oui, il a New York, qui est conséquente quand même. C'est pas officiel, mais ouais. Donc voilà. Appelez-moi Johnny 4, du coup. Je sais pas, mais en tout cas, c'est la suite. Mais Short Circuit, je connaissais deux noms, mais je connaissais pas du tout. Okay. Enfin, j'avais jamais vu. Voilà, donc, et vite fait, je pense, ça et là, quelques petites anecdotes, parce qu'on aime. Vas-y. On aime. Voilà, donc, l'idée du caisson d'isolement s'inspire du scientifique John C. Lilly, qui a fait notamment beaucoup d'expériences sur les dauphins. Ah, le fameux... Et qui était réputé pour avoir des expériences, des relations sexuelles avec ses sujets d'expérience. Qui, je le rappelle, sont des dauphins. On aime. Voilà. À l'aide. Si vous avez vu la vidéo du jour du grenier sur l'école dauphin, c'est la même histoire. Voilà. Bah écoute, ça explique peut-être le fait que le film puisse mettre de côté. Alors, juste vite fait aussi, certains des acteurs ont testé les questions d'isolement. Et William Hurt a eu des hallucinations. J'ai envie de te dire que William Hurt, ce serait pas la première fois qu'il en a. Et enfin, dernière petite anecdote, on va faire le juste prix. Ken Russell était le combienième choix des studios pour réaliser le film? 4e. 5e. 27e. What? Je serais curieux d'avoir la liste des 26 précédents quand même. Alors je l'ai pas, mais les 26 précédents ont tous refusé. Parce que si jamais Ken Russell c'est ton 27e, c'est ou alors t'étais vraiment désespéré, ou alors t'avais vraiment des bêtes face à toi. Genre, mais je pense que c'était vraiment genre le dernier choix, parce que Ken Russell c'est un putain de punk dans le cinéma anglais à l'époque. Hein. Moi je tiens à dire, j'adore Les Diables, mais je fais partie des mecs qui préfèrent ce qui est ces biopics de réalisateurs, ces biopics de musiciens, ouais. que je trouve être des biopics très... qui ont de l'intérêt, en fait. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que Ken Russell va lui-même... définir son film The Music Lovers comme le mariage entre un homosexuel et une nymphomane. Ce qui est pas une description si fausse quand on a vu le film. Maintenant, ouais. Ken Russell, c'est quand même un cinéma qui peut être dur à appréhender. On va pas se mentir, Ken Russell, c'est un cinéma qui peut laisser de côté. C'est très excentrique, en fait. Excentrique, et c'est un cinéma qui ne va pas faire de pas vers toi. C'est-à-dire que si tu ne vas pas chercher à l'appréhender, à le comprendre et à l'aimer en quelque sorte, lui ne va jamais venir te chercher pour te proposer une expérience, on va dire, plus conventionnelle. Ah, oh, je trouve ça dans ses films quand même assez chaleureux. En fait, oui, Altered State est peut-être son plus accessible parce qu'une narration plus conventionnelle. Il y a Tommy aussi. Tommy, si t'es fan des Who. Si t'es pas fan des Who, Tommy, c'est compliqué. Hein, c'est... Oh, il y a quand même des putains de... quand même le casting... Oui, mais c'est comme The Wall. C'est comme The Wall. The Wall, si jamais t'es pas fan de Pink Floyd, ce qui est mon cas, pour moi, The Wall, c'est juste très long. Hein, c'est... Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, The Wall, c'est tellement... Bah, c'est littéralement des adaptations de la musique du groupe. Ouais. C'est donc, si jamais t'es fan du groupe ou t'es intéressé en général par le message ou l'œuvre du groupe, ça passe très bien. Si jamais t'es pas intéressé, ou pire, si jamais t'aimes pas, c'est un peu plus long. Oui, totalement. Donc, vous avez fini, on passe à la suite. Ah, la suite. Moi, j'ai fini. On passe le dessert. La pièce maîtresse de cet épisode, ça va être compliqué de passer après, mais je ferai mieux. Bah, quand on parle de body horror, il y a toujours un nom qui ressort. Un auteur. Un putain d'auteur, c'est David Cronenberg. Le mec, il a, je peux dire, créé le body horror, parce que ce serait un peu... Ça peut être dit, mais... C'est le mec, en gros, qui a, on va dire, le plus théorisé, et posé les codes du genre. Ouais, ça, vraiment... C'est un peu le gros padré du body horror et considéré comme un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Mon réalisateur préféré. Ce qu'on peut argumenter, c'est que ça fait partie de cette liste de réals qui est assez maigre, qui, lorsqu'il sort un film, ne va être comparé qu'à lui-même. Ouais. Parce que, par exemple, si on prend son dernier film, qui est Les Cryptes du Futur, moi, je suis pas forcément fan, mais en comparaison de ce qu'il a fait d'autre, c'est-à-dire que sur toute sa carrière, en général, je pense qu'il a fait qu'un mauvais film. Qui est Map to the Stars, que je trouve vraiment être vraiment médiocre. Ah, parce que même ces autres que j'aime pas trop. Bah, même ses autres films, c'est par rapport à lui-même. C'est par rapport à lui-même que qui va être comparé. Et tu te dis, c'est moins bien que tel autre film que lui a fait. Mais si on est honnête et qu'on compare ce qu'il fait au tout venant, c'est un tueur. Il est juste trop fort. On en parlait en off et tu disais la même chose pour Carpenter. Ouais, pour Carpenter, Carpenter, Choyark en général, c'est ces auteurs où tu ne peux comparer leurs films qu'à eux-mêmes. parce que c'est toujours 10 crans au-dessus de ce qui se fait en normal. Ouais, comme Alpha One dans le rap. J'ajouterais aussi j'ajouterais aussi des gens comme Zulavski ou Orson Welles ou plein de choses comme ça. Il y a peu d'auteurs comme ça. Parce que même des auteurs que je pense toi et moi on adore, qui, comme John Woo, qui a fait des films vraiment ratés. Je veux dire, je pense à Wind Talkers avec Nicolas Cage. Ça, j'ai pas vu. Ou là, même en comparant à lui-même, tu peux dire non, mais c'est vraiment nul. Tu vois. Alors que, sans déconner, Cronenberg, à part Maps to the Stars, même des films que j'aime un peu moins comme Existence ou autre, tu peux pas dire que c'est des mauvais films. C'est trop bien fait, c'est trop génial tout simplement pour dire que c'est un mauvais film. Et pour le coup, en fait, il y a plusieurs parties dans sa carrière qui sont toutes différentes, mais qui se lient quand même entre elles. Enfin, c'est vraiment une œuvre très complète. Et mon film préféré de Cronenberg, du coup, sûrement un des plus intéressants, c'est La Mouche, sorti en 1986. Donc, qui raconte l'histoire de Seth Brundle, qui est un scientifique qui a inventé une machine permettant la téléportation, tout simplement. Qui est joué par... On va y revenir. un soir, il va tester la machine sur lui-même, totalement bourré, et il y a une mouche qui va rentrer dans le caisson, et leur ADN va être fusionné au niveau moléculaire, ce qui va entraîner une sorte de lente transformation de Seth. En Brundle Mouche. Vers Brundle Fly, ouais. Brundle Mouche. Brundle Mouche. Déjà, c'est un chef-d'œuvre. On peut se le dire. C'est le meilleur film de la sélection. À égalité avec l'un des miens, je ne dirais pas lequel. Pas à égalité, non. Ah, si, non, moi je prends autant de plaisir devant les deux. C'est clairement génial. C'est un chef-d'œuvre. Les acteurs, voilà. Jeff Goldblum, Gina Davis. Jeff Goldblum dans son meilleur rôle. Bien sûr. À égalité peut-être avec Jurassic Park. Oui, voilà, justement. Les rôles de Jeff Goldblum, moi j'ai noté Jurassic Park, L'Invasion des Profanateurs, le remake. Buckaroo Banzai et Jurassic World 3, Le Monde d'Après. Ouais. Et aussi Série Noire pour une Nuit Blanche de John Landis. Oui, qui est pas que mal. J'aime beaucoup. Ouais, petit rôle de David Bowie en plus. Si je peux en caser peut-être d'autres. Vas-y. Transylvania 6-5000. 6-5000, que j'ai pas vu. Qui est très sympa, qui est d'ailleurs le film où se sont rencontrés Jeff Goldblum et Gina Davis. Qui étaient en couple lors de l'époque du tournage de La Mouche. Et qui se sont mariés pas longtemps après d'ailleurs. Gina. Oui, qui ont eu des enfants aussi. Ils sont mariés l'année après, je crois. Gina. Ouais. Bon. Gina Davis, tiens, qui a joué dans Tootsie, dans Thelma et Louise. Est-ce que tu peux me donner son meilleur film, s'il te plaît? Thelma et Louise? Non. La Mouche? Non. Beetlejuice? Non. Beetlejuice? Au revoir, jamais. T'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu ça. Réalisé par Rainy Harlin, elle joue une tueuse à gages. Ok, ça m'intéresse. Qui, dans la mémoire, a été effacée. Et c'est un buddy movie écrit par... comment il s'appelle celui qui a fait The Predator? Shane Black. Écrit par Shane Black et réalisé par Rainy Harlin, donc le mec qui a fait Die Hard 2. Elle est en duo avec Samuel Lee Jackson. Freddy 4 aussi. Freddy 4, ouais. Alors, Freddy 4, tu l'aimes pas, mais on peut pas nier qu'il est pas généreux. Ouais. Et elle est en duo avec Samuel Lee Jackson. Putain. Et faut imaginer que, je me rappelle qu'elle a une scène de combat dans une cuisine où il y a sa fille qui lui fait: mais comment tu fais ça? Elle fait: ah, les chefs savent faire. Tu vois, vraiment, c'est trop fun. Trop fun. Ok, écoute. Rainy Harlin, et pensez. Dédicace rapide à cette putain de scène dans Profession Profiler avec un gunfight sous l'eau. J'en dis pas plus. Ok. Pour continuer du coup sur la mouche, la musique Howard Shore. Qui est possédé pour la composition, quoi, la BO légendaire. Pour fouiller un peu pour mettre un peu les mains dans le film maintenant, les mains dans le bousin. Ce que je trouve vraiment intéressant dans la mouche, c'est que Cronenberg, en fait. Ce qui est intéressant avec ce mec, c'est que c'est un putain de bisseux qui fait des films... C'est un goreux. Hein. Ouais, c'est... un putain de goreux, vraiment. Sauf que le mec, il pourrait avoir un diplôme de médecine et être un des plus éminents chirurgiens du pays. Sauf qu'il a décidé de faire des putains de films d'horreur. Le cinéma le remercie aussi. Et en fait, le truc, c'est qu'il met tout le temps une énorme dose de philosophie, de science et de beaucoup de réflexion dans ses films. Si je peux donner quelque chose, je m'étais noté un truc pour qui je pense résume bien sa période, en tout cas body horror, c'est un cinéaste qui triture les chairs tout en étant extrêmement cérébral dans sa conception du genre. Exactement. C'est-à-dire que sa carrière, par exemple dans Crash, tu vois. Il va montrer des choses très crades, mais de manière très analytique. Et Crash, qui est peut-être un de ses films qui met quand même les plus mal à l'aise. Hein. Il est super. Crash, il est très, très mal à l'aise. Et du coup, dans La Mouche, on a vraiment ce questionnement sur le corps par rapport à l'esprit, qui est un corps, qui est un thème qu'on retrouve énormément de fois dans sa filmographie, mais qui a jamais été aussi bien traité que dans La Mouche, finalement. Bah, et surtout, ce qui est fabuleux avec le thème du corps, c'est que même dans les films moins évidents sur le sujet, à nouveau le diptyque de film que moi je trouve exceptionnel, qui est du coup Les Promesses de l'Ombre, History of Violence. Dans History of Violence, tu retrouves ça avec le fait que alors je sais plus comment s'appelle l'actrice, mais qui va se faire des bleus, tu sais, quand ils font l'amour dans l'escalier. Ouais. Et dans Les Promesses de l'Ombre, c'est Viggo Mortensen qui va réécrire son histoire en se tatouant lui-même, en se tatouant le corps. Du coup, t'as son histoire et par conséquent, par extension, son identité qui sont inscrits directement dans sa chair. Enfin bref, c'est littéralement l'affiche du film en plus. Ouais, c'est un cinéaste qui est passionnant. C'est carrément. Incroyable. Et vraiment, dans La Mouche, on a aussi toute une histoire d'amour qui est tragique, qui est poignante, qui fait chialer. Et bien sûr. C'est-à-dire que à partir de la moitié du film jusqu'au climax, c'est les larmes en fait. Vraiment. Surtout le climax. Surtout le climax. Vraiment. En fait. Le fusil sur la tête là, il fait du mal. Hein, c'est. Vraiment. Les effets spéciaux, j'ai noté, c'est réalisé par. C'est fait par Chris Wallace, qui a notamment travaillé avec Cronenberg sur Scanners et Le Festin Nu. C'est à lui qu'on doit la tête. La tête. Exactement. Mais d'ailleurs, vous êtes au courant que la tête, c'est un ballon dans lequel il y a des restes de pizza, des ordures et ouais, tout. Ouais, j'avais vu un truc comme et, ça. Et ils n'arrivaient pas à la faire exploser convenablement. Du coup, il y a juste un pélo avec un putain de shotgun derrière, tiré dans la tête. Ça aurait été marrant, t'es dans les scènes coupées, tu vois juste l'arrière, tu vois. BAM! C'est clair. Le mec a aussi fait les putains d'effets spéciaux de Gremlins, de Piranha, de. Piranha de. Dante. Ouais, de Dante. Et de Star Wars 6, pardonnez du peu. Voilà. Et c'est lui qui a réalisé la suite, dont on touchera peut-être un mot après, rapidement. La Mouche 2. Ouais, La Mouche 2. Ouais, La Mouche 2. Rapidement. Bah. Toi, Roman, sur La Mouche, on t'a pas encore entendu. Alors, sur La Mouche, ce qu'il faut savoir, c'est que La Mouche, comme je l'ai dit au début, c'est un des premiers body horror que j'ai vu. Ouais, comme à peu près tout le monde, j'ai envie de dire, et qui passe par le body horror. Oui, c'est vraiment un passage obligatoire. Bah, surtout que alors, Ulu, corrige-moi si je me trompe, mais Scanner est le film qui a fait entrer Cronenberg dans sa période hollywoodienne. Mais La Mouche, il n'y a pas moyen que ce soit son plus gros succès. En tout cas, c'est son film le plus connu. Parce que je suis en train de me dire, parce que quand je vois ces autres films, genre Crash, qui a quand même été à Cannes et tout ça, ça m'étonnerait qu'il ait eu un gros succès, vu les polémiques qu'il y a eu autour. Mais surtout vu le film en général. Et même Les Crimes du Futur, qui est sorti récemment, qui est auteur Cronenberg, qui est déjà plus... Après, peut-être que ces films modernes, genre Cosmopolis ou quoi, ont eu, mais pour moi, ça m'étonnerait pas que La Mouche soit son plus gros succès. C'est très probable. Si jamais c'est Maps to the Stars, quelle angoisse que c'est, quelle horreur, ce film. Mais je pense vraiment que c'est La Mouche son plus gros succès. Enfin, il a eu une influence sur la pop culture et sur le cinéma d'horreur en général. Oui, mais ça veut rien dire. Par exemple, The Thing a été un gros flop. Est-ce que tu peux... Oui, à sa sortie. Oui, mais là, on parle de succès. On parle pas de succès d'estime ou quoi, on parle de succès... On parle de succès... Je te propose que pour s'assurer, Romain, je te laisse continuer. Et Lulu, pendant ce temps, tu peux éventuellement nous fact-checker en vitesse le budget, enfin le box-office de La Mouche. Et donc, La Mouche, comme tout le monde à cette table, j'ai envie de dire, j'adore, c'est trop bien. C'est un film qui va te mêler à la fois la décadence de la chair... La décadence de la chair en même temps que la décadence de l'esprit, et c'est ça qui est magnifique. Et je vais faire le parallèle avec La Mouche Noire. Ouais, que j'ai. Parallèle pertinent. C'est... Que j'ai revu, du coup, pour l'occasion. Et La Mouche Noire, donc, qui est quand même assez, drastiquement différent, mais pas totalement non plus. C'est-à-dire que La Mouche Noire, on va pas suivre un mec qui va se transformer petit à petit en mouche, on va suivre un mec qui, après une téléportation foireuse, va avoir un bras et une tête de mouche. Et dans mes souvenirs, La Mouche Noire est beaucoup plus tragique. C'est beaucoup plus, pas larmoyant, mais c'est beaucoup plus centré sur l'émotion qui entraîne cette déchéance, dans mes souvenirs. Oui. Je l'ai vu qu'une fois, il y a assez longtemps. Et on est surtout centré beaucoup plus sur la femme que sur... Et c'est avec Vincent Price. Avec Vincent Price qui joue grandiose. Qui joue donc le frère du scientifique. Rapidement, tu le fact check, oui, donc c'est bel et bien. C'est bel et bien La Mouche, le plus gros succès box-office. À 300 000 près avec History of Violence. C'est énorme, 300 000. Ce qui est pas étonnant, parce que dans History of Violence, t'as Viggo Mortensen, et c'est aussi un film qui est plus accessible. Oui, c'est énorme, 300 000, mais les deux ont fait 60 millions. Ce qui est pas énorme à l'échelle... Enfin, ce qui est énorme à l'échelle du budget engagé, ouais. Mais ce qui est pas énorme à l'échelle, en général, du cinéma actuel. Oui, oui, totalement, mais... quand même. Je te laisse reprendre sur La Mouche. Juste à côté, Vidéodrome, par exemple, qui est le deuxième meilleur Cronenberg selon moi, il a fait que 2 millions. Le oui, Mister Nu, 2 millions. Après, Mister Butterfly, après, 1 million. Tu donnes les films qui sont quand même un peu plus durs d'accès. Ok, oui, Crash, 23 millions. Oui, Crash, après, t'as eu la polémique. Les Promesses de l'Ombre, 56 millions. Ouais. Dangerous Method, 27 millions. Cosmopolis, 6 millions. Dis-moi que Map to the Stars, c'est gaufré, s'il te plaît. 3 millions. Et merde. Gaufré, 3 millions ? 3 millions. Parfait. Je déteste ce film, je trouve horrible. Il a fait plus d'entrées que Les Crimes du Futur. Dommage. Enfin, plus de recettes, en tout cas. Dommage. Je te laisse continuer. Après, Les Crimes du Futur est sorti pendant le Covid. Enfin, Les Crimes du Futur, c'était une sortie compliquée aussi. C'est une période très compliquée en ce moment. Alors que vous devez voir ce film. Oui, oui. Non, ça reste intéressant. C'est super intéressant. Et oui, là où la mouche noire, on est beaucoup plus dans une enquête aussi, parce que déjà tout est raconté en flashback. Parce que tu suis du coup Vincent Price qui va interroger la femme donc, du scientifique qui est mort au début du film, ouais. Pour essayer de savoir ce qui se passe. Et t'as à chaque fois cette espèce d'ironie tragique et de fils de puterie dans le fait que par exemple, t'as, à chaque fois, t'es l'espoir qu'ils aient la mouche, mais qu'elle se barre à chaque fois. Parce qu'en gros, il lui faut la mouche qui a du coup un bras et une tête humaine pour refusionner dans la machine, bref. Et surtout la fin de la mouche noire, faut en parler. Moi j'ai vraiment souvenir d'un truc très tragique, mais j'aurais du mal à donner des détails. On divulgage tout. Donc, la fin, elle est pas dès le début du film. Alors, le film se passe en flashback, non? Le film sur son flashback, oui, bah, c'est ce que je viens de dire. Mais la fin du film après le récit de la femme. Non, ouais. Mais déjà, il y a la fin en flashback où t'as donc, la femme qui va. Donc on retrouve ça aussi dans le film de Cronenberg, donc avec la femme qui est obligée d'achever. D'abattre son mari. C'est ça. Et donc là, on parle pas de fusil à pompe. Là, on parle de son mari qui lui demande de lui mettre la tête et le bras sous une presse hydraulique pour tout broyer pour qu'il ne reste rien. Et ce qui se passe, c'est que la femme. Elle fout un coup de presse hydraulique, ça lui écrase la tête. Qu'est-ce que ça fait? Ça a pas écrasé le bras. Donc elle revient, elle refout le bras, re-écrasage à la presse hydraulique. C'est horrible. Quel plaisir. Voilà. Et surtout qu'après, la mouche en question est retrouvée. Et la mouche est prise dans une toile d'araignée. Quelle horreur. Et tu l'entends crier « Aidez-moi, à l'aide !» Ah, quelle horreur. Avant qu'elle se fasse achever par un des flics qui lui écrase une pierre sur la gueule pour achever ses souffrances. Mais ça se finit quand même bien pour la femme, vu que à la base elle était accusée du meurtre quand même. Du coup elle est acquittée. Et c'est quand même foncièrement un film de science-fiction parce que ça se passe en hiver à Montréal et qu'il fait grand beau et que tout le monde est en t-shirt dans son jardin, c'est pas comme ça le Québec. Québec dans 5 ans. T'as fini sur la mouche? Non mais là j'ai reparlé de la mouche noire. Pour revenir juste à la mouche, c'est un peu comme après Los Ojos, tu suis pareil cette descente aux enfers à chaque fois. Et c'est poignant. Ça fait mal. C'est déchirant de les voir si heureux au début et si pas heureux à la fin. From Sabes, tout à chial. Séparé à mort. C'est séparé, impossible de revenir ensemble. Mais si, selon la théorie de Seth, c'est une théorie compliquée. Ouais, non, parce qu'il veut quand même. Fusionner avec donc lui qui est déjà moitié mouche, il veut fusionner dans le téléporteur avec sa femme et l'enfant qu'elle porte. Qui est du coup un hybride. Attends, on parle de la suite après. On pourra en parler. T'as fini? J'ai fini. Okay. Donc à mon tour, je pense ne pas faire une take trop difficile en avançant que c'est parmi ces remakes qui sont infiniment meilleur que l'original. C'est comme The Thing. C'est exactement ce que je voulais dire. J'ai oublié de te parler, mais oui, c'est ces remakes qui ont surpassé l'original en termes de qualité, en termes de popularité, et juste qui font carrément oublier que ce sont des remakes. Voilà, c'est ça. Totalement. Et déjà, je pense que ce qu'on peut dire, c'est Jeff Goldblum qui est hallucinant dans l'autre, qui bouffe l'écran, mais je le baise, sachant que Il y a Jeff Goldblum, mais je trouve aussi que la performance de Gina Davis est hallucinante. Gina Davis arrive à avoir un naturel dans son jeu qui est assez hallucinant. C'est parce qu'ils étaient en couple aussi. Oui, ils étaient en couple. Et ça rend le tout absolument déchirant. Et revenir rapidement sur le fait que c'est un cinéaste qui triture les chairs en tout en étant extrêmement cérébral. Cronenberg, ce qui est extrêmement impressionnant, je trouve que c'est que jusqu'à la mouche, comme un peu comme Kate Russell, en moins poussé, il s'affranchit aussi des carcans de narration traditionnels. Par exemple, tu vois Vidéodrome, bon, la narration, elle est pas forcément ce qui est le plus abouti, même Dead Zone. Ouais. qui est plus light là-dessus. Bah, La Mouche, c'est le premier film qui suit une histoire, on va dire, linéaire et à peu près normale, entre guillemets. Oui, c'est son film le plus accessible, quoi. C'est ça. Mais en même temps, ça va pas oublier d'avoir une vraie réflexion. Notamment, il a dit qu'il voulait faire un film sur ce que ça fait d'avoir quelqu'un de son entourage qui était malade. Donc, tu remplaces la transformation en mouche par le cancer. Et voilà. Oh, totalement. Et ça donne un film qui est... Ou même peut-être par le sida, vu qu'on est en 80. Justement, lui a toujours dit qu'il voulait que ce n'était pas une métaphore du sida. Ah, okay. Que c'était une métaphore vraiment de la maladie. Okay. Et surtout, quelque chose que je trouve fascinant, c'est qu'il fait partie de cette liste de films qui est très fermée. Mais de films qui sont à la fois ultra fun à voir et qui sont en même temps extrêmement intelligents. Pour moi, l'exemple qui illustre ça le mieux, c'est Starship Troopers, oui. qui que je trouve absolument parfait dans le domaine. Mais dans le domaine, on peut aussi citer X, que j'ai vu, oui. qui pour moi est ça. Même s'il n'est pas ultra fun, mais t'as ça. Bah, t'as aussi Last Action Hero. Ouais, Last Action Hero. La cabane dans les bois. McTiernan en général. La cabane dans les bois, exactement. Et vraiment, c'est le plus accessible de Cronenberg, et c'est juste un pur plaisir pour les yeux en termes d'effets spéciaux. C'est... Ah, si vous aimez les animatroniques, allez-y. En même temps, ça fait pleurer, parce qu'à la fin, on pleure tous. En même temps, la musique, on en a parlé rapidement, mais la musique de La Mouche, Howard Shore, il avait l'esprit en lui, c'est pas possible autrement. Enfin, vraiment, c'est un film absolument dingue. Je sais pas combien il y a de scènes cultes, mais entre le bras de fer, le moment où il perd ses dents, le moment où il perd son oreille. Anecdote sur le moment où il perd son oreille, Gina Davis n'était pas prévenue. Donc sa réaction n'est pas feinte. Voilà. Enfin, bref, et à la fin, la transformation en mouche, enfin, c'est assez incroyable. Même la main dissoute de Statis. C'est un film, c'est difficile de trouver beaucoup de choses à dire dessus, parce que qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Cronenberg d'une façon générale, mais sur celui-ci en particulier. Bah, à part juste voyez-le, parce que vraiment c'est. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il est drôle. Je trouve pas si drôle que ça. Je trouve le début drôle. Cheeseburger. Oui, le début, oui. Quand il se transforme, quand il ramène la meuf du bar chez lui. Oui, ouais. Et que t'as Gina Davis qui revient, et la meuf fait c'est qui celle-là ? Il fait, je t'ai pas dit, j'aime t'assier avec ma mère. T'assier avec ma mère, ouais. Tiens, c'est drôle, mais en même temps, je trouve que ça rend le film d'autant plus difficile à revoir, parce que quand tu le revois et que tu sais comment ça va finir. Ouais, clairement. C'est un peu comme. La comparaison est un peu osée, on va dire, mais je sais pas si vous avez vu ce truc d'Author of Darkness. Non, c'est oui, je sais pas ce que c'est. Tu l'as vu ? C'est un catégorie 3 qui en fait démarre sur une vie de famille plus ou moins rigolote, mais voire même assez drôle par moments avec des gags et autres, et qui se finit dans un espèce de revenge movie horrible. Et du coup, ça rend le film très dur à revoir parce que tu sais comment ça finit, et donc la première partie, tu rigoles, mais tu rigoles un peu. Jaune, quoi. Un peu jaune, ouais. Pour citer un autre catégorie 3, moi, ça me fait penser aussi à Run and Kill, c'est totalement le même délire. Hein. Est-ce que tu vas vraiment comparer La Mouche à Run and Kill ? Est-ce que tu vas vraiment faire ça ? Non, mais c'est toi qui as parlé de Dr. Daphnes aussi. Hein. Bah, je parle juste dans le concept d'une première partie qui te fait rire la première fois, vraiment. Ouais, moi aussi. Et la deuxième qui te surprend. Et du coup, quand tu revois le film, c'est d'autant plus difficile de rire. Parce que tu sais ce qui lui arrive. C'est pareil avec Ronan Kill, hein. Au début tu rigoles, le mec il est bourré, il commande un assassinat et puis tout. Ça, et ouais, c'est à la fin, bah sa fille Ronan elle Kill, finit en Ronan bûcher Kill, vivant. C'est un autre sujet, Ronan Kill c'est très compliqué. Sombre. Très sombre. Et vraiment La Mouche, c'est... À nouveau, comme la dernière fois, s'il y a un film à recommander, c'est celui-ci. Je veux dire vraiment La Mouche. Et à nouveau, La Mouche... Si vous l'avez pas vu, hein, parce que je pense que la moitié des gens l'ont vu. Sinon, si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. D'ailleurs, il y a un cameo de Cronenberg dans le film. Ouais, et c'est le gynéco. Et truc génial avec La Mouche, également, qui est quelque chose qu'on peut souvent avoir peur en parlant de cinéma cérébral, c'est un cinéma chiant. Cronenberg, c'est absolument pas ça. Parce que lui a dit, c'est avant tout un goreux. Et vraiment, même ses derniers films, bon, à l'exception peut-être de Cosmopolis, mais même History of Violence ou Promesse de l'Ombre. Non, pas celui-là. Mais Promesse de l'Ombre, t'as toujours un côté bis plaisant. Qui fait que ça rend les films ultra accessibles et vraiment, vraiment très plaisants. Le seul qui est peut-être un peu rude et qui est bon là-dessus, c'est Dangerous Method, qui, si on est allergique au jeu de Keira Knightley, il est compliqué. Là. Ouais, c'est clair. C'est qu'il y a différentes façons d'ouvrir la bouche. Ouais, mais vraiment, La Mouche, en plus, ça dure une heure et demie. Ouais, c'est une heure et demie, ça. Ça coule tout seul. Ça, c'est génial. C'est que les films de cette sélection, ils sont tous super courts. Ça passe comme dans du beurre. Ça va entre 1h20 et 1h40. Vraiment, c'est un plaisir. Quoi. Ça passe tout seul. Ça pas dans maman, vraiment. Mais vraiment, c'est un plaisir. Et vraiment, La Mouche, voyez-le. Jeff Goldblum dedans, c'est peut-être un des plus grands rôles du cinéma fantastique qu'on ait jamais vu, c'est absolument hallucinant. On a fini sur La Mouche ? On a fini sur La Mouche. On part un peu sur La Mouche 2, non? Oui, La Mouche 2, bien vu, réalisé par Chris Wallace, réalisateur des effets spéciaux. Ouais, c'est ça. Qui fait quand même partie des bonnes suites du cinéma fantastique. C'est ça, voilà. Je vous laisse là-dessus, je l'ai pas vu. Hein. Franchement, en fait, c'est pas Il est beaucoup plus lisse. Ouais, c'est ça. En fait, scénaristiquement, on est vraiment sur une redite du premier en version scénario Wish. Écrit par Mick Garris et Franck Darabon, mais scénario qui a l'intelligence de ne pas s'attarder sur la transformation. Mais plus sur des péripéties, il y a de la course-poursuite. Ouais, c'est ça, c'est plutôt c'est... genre Willy Vino Society, il version a, La Mouche, quoi. Il a pas l'intention de... Bah, je suis même pas si d'accord avec ça, parce qu'en fait, il a même pas l'intention de faire grand-chose, il veut juste proposer un divertissement honnête, et la fin, c'est un slasher avec une mouche géante. Il est beaucoup plus naïf que le premier, aussi. Il est beaucoup plus gore, aussi. Hein. Ah oui, vraiment. C'est pas un gore-fest, mais il est plus vénère. Non, disons que le premier film, il est gore parce qu'il va titiller des trucs. Cronenberg, s'il veut te faire mal, il sait très bien ça, où taper. Genre, par exemple, quand il y a Seth qui se retire les ongles et qui balance le pull là sur le micro. C'est là. Ignoble. Là, tu vois, c'est des scènes, tu les vois, t'as pas... Sur le miroir. C'est crade. Il est face au micro, c'est pour ça qu'il dit... C'est crade. Mais ouais, alors que Chris... Mais après, tu vois, la fin, déjà, je trouve le design de la mouche dans le vachement cool. Ouais. Rien à voir avec le premier qui est Masterclass, mais le deuxième... C'est un côté plus monstre, en fait. Ouais. Monstre cool. Et il y a plusieurs scènes vachement cool. Je pense à la scène du chien, que je trouve très très belle. Quand il tue le chien? Ouais, bah quand il retrouve, tu sais, son chien comme ça. Ouais. Ou la fin, qu'on dit pas pour Roman, entre autres. Ouais, c'est ça, voilà. Qui est vraiment assez cool. Vraiment, La Mouche 2, c'est fait partie des bonnes suites. C'est chicos, c'est cool. Ouais, ça se regarde tranquillement. Un peu plus long que le premier, il me semble. 1h40 et quelques. Ouais, possiblement. Mais vraiment, c'est très sympa. Les deux gros problèmes que j'ai avec le 2, c'est les deux acteurs principaux, le couple principal. Ah oui, vraiment. C'est des endives. Ils ont vraiment aucun charisme. Je crois que l'acteur, c'est Eric Stoltz, mais... Oui, c'est Eric Stoltz, oui. Mais je trouve qu'il est dans le film, il a vraiment pas assez de charisme. Non, tu dis vrai. Et l'autre reproche qu'on peut faire, c'est que la transformation finale en mouche, bien que très cool, arrive un peu tard. C'est-à-dire, elle arrive dans les 20-30 dernières minutes. Alors après, c'est généreux, mais... Donc ça peut mettre un petit peu. Tu parlais du manque de charisme de Eric Stoltz, Retour dans le futur. Ouais, bon, oui. Voilà, l'anecdote est assez connue, mais il y a eu plusieurs semaines de tournage avec Eric Stoltz dans le rôle de Marty McFly, et juste ça passait pas. Ouais, non, c'est... mais c'est vraiment le reproche du jeu, je lance le 2, je vois Eric Stoltz, je fais ah, c'est. Coucou. c'est pas Jeff. Rendez-nous, Jeff. Non, mais ça, tu vois ça, et ensuite tu vois le film évoluer, et tu te dis bon. Ouais, mais il se suit bien. Mais après, bon, clairement, faut pas s'enchaîner les deux, ou alors faut être prêt à descendre d'un niveau. Parce que c'est ça. Le plus gros défaut du film, c'est que c'est la suite d'un chef-d'œuvre. Hein. Mais au moins, le 2 est honnête, c'est-à-dire qu'il va pas chercher à défendre un propos, il va pas chercher à être plus intelligent qu'il n'est. Tu me diras heureusement quand le scénario vient de Mick Garris. Je suis pas super fan du bonhomme. Mais enfin, de ce qu'il a fait en tout cas. Mais il y a une fin chouette, des effets spéciaux chouettes. Et honnêtement, bah, le scénario est comme Darabon, et Darabon, il s'est quand même trouvé des situations cool, et à nouveau, juste pour l'idée du chien, que je trouve vraiment super, trouve vraiment très bien. C'est ça, et le fait qu'il y a ce côté toujours perturbant des enfants avec des corps d'adultes. On t'en dit pas plus, mais okay. Voilà. Donc on passe à la suite. On passe à la suite. Alors, je j'oute tout de suite, c'est peut-être mon deuxième film préféré de la sélection. On avance un peu dans l'année 86, avec From Beyond, ou en français, Aux Portes de l'Au-delà, qui... est un titre, c'est beau, fantastique. Ça respire les années 80 et c'est j'adore ce titre. Alors réalisé par, je pense qu'un réalisateur qu'on aime tous à cette table, Stuart Gordon. Évidemment. Ouais. Stuart Gordon, donc, qui est mort l'année dernière ou l'année d'avant. Qui est mort très récemment, mais ouais. Mort en 2020. Je le sais parce que il est mort en octobre et à ce moment-là, Shadows avait rendu gratuit Reanimator. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, c'est sur octobre. Vraiment, Stuart Donnan, donc, qui est réalisateur de Reanimator 1, de King of... Alors, d'une trilogie de films que j'adore, qui est la trilogie de l'horreur sociale avec King of the Ants, Stuck et Edmond, qui a aussi réalisé Castle Freak, Dagon... Le Puits et le Pendule. Le Puits et le Pendule, enfin, on va pas tout faire. Mais ouais, bref, grand réalisateur des années 80. Donc, pour le synopsis rapidement, donc, c'est l'histoire d'un scientifique qui découvre, enfin, qui fabrique une machine qui permettrait de prendre contact avec l'au-delà. De prendre contact avec un autre univers. Un autre plan, disons. Un autre plan d'existence. Voilà. Je détaillerai plus tard. Au scénario, on a Gordon et Denis Paoli. Alors, Denis Paoli, c'est un scénariste régulier de Gordon, qui a fait Réanimateur, Dagon. Et également Ghoulies 2. Voilà. Ah. Parce qu'on cite jamais assez les Ghoulies, on les cite peut-être trop aussi. Et également, au scénario, on a un autre compère de Stuart Gordon qui est. Brian Yuzna. Brian Yuzna. Ah. Bébou. Alors, Brian Yuzna. Il y a beaucoup de bébou dans cet épisode. Alors, ah, vraiment. Brian Yuzna qui a donc réalisé les suites. Attendez que je parle de Vincent Lindon. Qui a réalisé les suites de Reanimator. Ainsi que le dentiste, je dis pas de bêtises, Brian Yuzna. Le dentiste 1 et 2. Ouais, qui a aussi fait La Nuit des Morts Vivants 3. Mais ouais, c'est ça. Alors, qui. Society. Que j'adore, Society. Que je trouve moins bon que Gordon, mais qui est quand même aussi. Enfin, les deux sont indissociables en général. Alors, juste, on a une petite histoire avec Yuzna, c'est que Ulysse et moi, il y a un an et demi à peu près, on est allé à une projection de Faust. Oh, oui. Ah oui! Faust, c'est pas son meilleur. Hein. Justement. C'était glorieux. C'était Projection La Grotte Chaude. Même si moi j'aime bien Faust. Projection La Grotte Chaude à Jonesy. C'était glorieux. J'aime bien Faust. Ensuite, alors, donc c'est un récit qui est basé sur Lovecraft. Bon, auteur connu, reconnu, voilà. On reviendra dessus plus tard. À la photo, on a Mac Alberg. Ah, il n'a pas été adapté par Guillermo del Toro. Je vais pleurer. Alors, Mac Alberg, c'est un. Alors, j'ai noté juste quelques titres de sa carrière, mais entre autres, il a fait Dolls, House 1, House 2, House 3, Innocent Blood de John Landis, Deep Star 6. Ou Mal, Mutant Aquatique en Liberté. Ah oui, j'adore ce film. Ouais, vraiment. Je trouve c'est très chiant, mais il y a une créature à la fin. Attends, le créature, elle est cool. Oui, mais tu l'as 10 minutes sur un film d'heure et demie. Et Mac Alberg, donc bref, mercenaire des années 81, qui a également fait la photo de la trilogie de l'horreur sociale. En tout cas, je suis sûr qu'il a fait King of the Ends. Attends, t'as. Oui, de l'horreur sociale, t'as dit. Ouais, la trilogie de l'horreur sociale. Je t'ai pas articulé. Désolé. À la musique, on a Richard Band, bon, en toute simplicité, compositeur régulier de Gordon, Terror Vision, House of Sorority Row. Il a un lien avec Charles Band ou... Je suis pas sûr, je pense. Il a aussi fait la musique de Reanimator. De toute façon, le cast de Reanimator et de From Beyond sont très liés. Ouais, hein. c'est très lié. Bah, en fait, From Beyond a été fait pendant Dolls, le tournage de Dolls. En fait, pendant que Dolls et donc les effets spéciaux prenaient énormément de temps à être faits, oui. Pendant ce temps-là, il a profité pour faire From Beyond. J'aimerais bien être aussi doué quand je fais des choses pour passer le temps. Pour le temps libre, c'est ça. Alors, on va jouer à nouveau au juste prix. Au budget, vous dites combien? Mais Roman, tu dis combien au budget? Budget actualisé, du coup. Ouais, budget actualisé. Budget actualisé, allez, je dis un petit 50 000. Tu dis combien, Lulu? 50 000, c'est pas mal, mais moi, je dirais peut-être un truc genre... Ouais, un petit... 150 000. 4,5 millions. Ah ouais. 4,5 millions. Alors, aux effets spéciaux, en toute simplicité, c'est Mark Sjöström. Alors, il a fait quoi d'autre? Freddy 3, Fantasme 2, Evil Dead 2. Des petits films. Soit. Au casting, alors, Jeffrey Combs, le réanimateur himself, qu'on avait également vu dans Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson. Ah, je t'aurais vu. Ken Foree, donc Halloween, le remake. Dawn of the Dead, l'original et le remake, Devil's Reject. Et la magnifique, la sublime Barbara Crampton. Oh oui. Body Double, You're Next et Ululu, c'est pour toi, Lords of Salem. Oh non. Arrêtez, je vous en prie, arrêtez dire, la BDSM Barbara Crampton. BDSM Barbara Crampton. Avec sa tenue là dans... Alors, c'est la From Beyond, le B de Barbara Crampton stands for BDSM. Hein. From Beyond, il y a... Je vais donner 5 raisons de le voir. Déjà, ça dure 1h20. 26, ça passe tout seul. C'est génial. Les effets spéciaux sont parmi les plus fous et les plus géniaux qui existent selon moi. Vraiment, c'est From Beyond, en fait, c'est un film. Je l'ai vu 3 fois. C'est la 3ème fois que je le voyais. Ouais, c'était et la 2ème. C'est un film où je ne sais jamais ce qu'il y a au plan suivant. À chaque fois, je me dis ah ouais, genre c'est fantastique. Ensuite, Jeffrey Combs qui est dingue dans le film. Enfin, je sais pas si je le préfère dans ce rôle ou dans celui de Reanimator, mais il y a quand même quelque chose, quoi. Je trouve qu'il est Il a un côté plus fou dans Reanimator. Oui, plus drôle. Après, là, il a... Je pense que je le préfère dans Reanimator. Ensuite, donc, quatrième raison, en toute simplicité, c'est son ambiance, qui est à nouveau ce mix très années 80, mais absolument génial, entre horreur réelle et comédie, avec parfois des moments vraiment drôles. Je pense au fait que Jeffrey Combs va bouffer des yeux à la fin. Et la cinquième raison, c'est juste... C'est en lien avec les effets spéciaux, mais c'est juste ses monstres, notamment le monstre principal, qui est une espèce de créature... Avec une tête d'humain. Est-ce qu'on en parle de ce plan où il est de profil? Oui. Où il se retourne et c'est... Donc de profil, il a l'air humain et il se retourne et c'est une espèce... De monstre difforme, c'est... Ouais. Vous voyez la fin de Chucky 2 dans l'usine où Chucky a été rassemblé avec des morceaux de trucs, tout ça. Ouais. Ça sur un humain. Voilà. Enfin, vraiment, From Beyond, en fait, c'est vraiment un film que j'adore parce que c'est tout ce que je peux demander dans un film d'horreur des années 80. Il y a des effets spéciaux prosthétiques, et quels effets spéciaux prosthétiques! Enfin, après, en général, Gordon, il aura toujours été généreux sur le prosthétique. Hein, on l'aime pour ça. Et bah, Yuzna aussi sur Society. Bah, c'est un peu des effets spéciaux à la Society en termes de gueule. C'est vrai. Il y a de, ouais, ça. Il y a de l'humour, c'est-à-dire que c'est pas lourd en ambiance, donc ça se regarde tranquille. C'est, vous pouvez le voir dans toutes les conditions, vous pouvez le voir en cherchant à réfléchir, parce qu'il y a vraiment des choses qu'on peut voir sur la conscience sans aller dans un travail à la Altered State, comme avec Ken Russell, comme dont parlait Roman. Mais il y a des choses qu'on peut voir sur. Qu'est-ce que ça fait d'atteindre un état de conscience supérieur, on va dire, même si c'est traité de façon beaucoup plus bis. On peut le voir comme un pur film. Comment ? On adore ça. On peut le voir comme un pur film fun, vraiment. Donc, ces effets spéciaux, encore et encore. Vraiment, c'est un film que j'adore. C'est un film que je peux revoir, ouais, peut-être une fois par an, quand même. Et je pense sincèrement que c'est peut-être. Il y a moyen que ce soit mon Gordon préféré avec Edmond ou Stuck, je pense. J'ai vu aucun des deux. Même si j'adore Ryan. Enfin, après, Gordon, le problème, c'est que c'est dur de choisir un préféré parce qu'il a tellement fait de films qui sont cultissimes. Je veux dire, je pense que lui et Réanimateur, bon, déjà, le bonhomme mérite le respect. Voilà. Mais juste après, il enchaîne, enfin, il fait Dagon. Enfin, vraiment, c'est. Je t'avoue que Gordon, j'ai vu que From Beyond, Réanimateur et Castle Freak, il y a très longtemps. Castle Freak, il est cool. Je t'avoue que j'en ai pas des bons souvenirs. Je me rappelle de cette bête enchaînée dans une espèce de château là. Le seul film que je conseille pas de lui, c'est Robojox, qui est juste dur. Le titre est drôle. Bah, c'est Pacific Rim, mais il y a que les plans dans les cabines de robots. Du coup, c'est chiant. Oui, merde. C'est chiant. Même Transmorphers, c'est mieux, je pense. Ouh. Mais vraiment, Pacific Rim, c'est mieux. Il y a moyen. Ouais, mon amour des films de robots géants m'aura poussé à affronter beaucoup d'épreuves. Roman, est-ce que tu aurais un avis rapide sur From Beyond, et je te laisse nous parler de Barbara Crampton, la BDSM Barbara Crampton. Alors, je laisserai Ulysse en parler parce qu'il a l'air plus au fait. Plus au fait de ça. Mais donc, juste From Beyond, bah, comme t'as dit. Oui. On coupe pas ça, on garde. Donc, comme t'as dit, c'est du prosthétique. Et rien que pour ça, si vous aimez, c'est fabuleux. Si vous aimez, c'est palpable. C'est, il y a quelque chose. Juste, c'est même les effets numériques, genre ces espèces de serpents, de poissons là, mais poisson, ça donne un côté étrange, ouais, irréel, qui juste. Bah, en fait, c'est un peu comme les effets spéciaux du premier Freddy. Je pense aux effets spéciaux des bras longs, ouais, qui aujourd'hui peuvent être un peu ratés, mais qui donnent un côté vraiment dérangeant, bizarre. Qui du coup fonctionne, qui marche d'autant plus. Ouais. Je trouve que ça fonctionne vraiment. Attends, quand il coupe les doigts, Freddy aussi, et que ça gicle. Ouais, tu sais, c'est ça. Bah, ça encore, ça va, c'est bien fait. Oui. Mais je pense, tu vois, c'est. En fait, c'est fait partie de ces effets spéciaux qui sont ratés, mais qui, même s'ils sont ratés, fonctionnent d'autant mieux aujourd'hui, parce que ça donne un côté étrange. Et même juste au-delà des effets, du prosthétique, tout ça, c'est trop cool. Jeffrey Combs. Mais c'est déjà Jeffrey Combs, mais juste tout le cast. Si vous êtes un peu hyperactif comme moi et que vous aimez bien les films où il se passe toujours un truc, là vous êtes servi. C'est-à-dire que la machine, elle marche au bout de 1 minute. C'est ça. Il y a un monstre au bout de 5 minutes. Et après, on peut reprocher peut-être qu'il n'y a pas tant que ça de monstres. Genre on les voit pas tant que ça. Mais quand on les voit, je pense notamment au ver dans la cave, qui est... génial. Oui. Oh, c'est... Ok, parlons du verre dans la cave, mais parlons surtout du verre qu'il y a sur le front de Jeffrey Combs. La chauve, la glande pinéale. La glande, ouais, c'est ça, putain, ça c'est incroyable. Sur ça, j'aurai un petit truc rigolo pour vous à la fin. Vas-y, parle-nous de ton excroissance de la glande. Non, vas-y, Ulysse, qui est sur From Beyond peut-être. Bon. Roman, t'as laissé nous parler de la BDSM Barbara Crampton. Ah, la BDSM Barbara Crampton, putain. Bah, c'est une scène en fait dans le film où Barbara Crampton est possédée par choses de l'au-delà. Le démon de la baise. Le démon de la baise. les créatures de l'autre monde. C'est ça, elle a très très très chaud au cul. Pour le dire, je suis désolé, hein, c'est un peu trash. C'est le film qui dit ça. C'est le trash qui est voilà. Comme on le dit chez nous, elle a la garonne crue. Ah, c'est ça. Totalement. Qui d'un coup se dit que ce serait, elle a lu 50 nuances de Grey, ce serait bien de passer à la pratique. Et du coup, elle a vu un petit Jeffrey Combs dans le coin, elle s'est dit putain, il était sacrément hot dans Reanimator, du coup je vais tenter mon coup. C'était elle dans Reanimator. Oui, en plus, c'est la fameuse scène de la tête. Ouais, c'est ça. Bon, c'est trash. Scène fantastique. Ouais. Et du coup, elle va prendre une tenue latex très très très très jolie, hein, franchement, avec des petits fouets, etc. Avant de se faire réveiller aux grandes dames des spectateurs par Ken Foree. Ouais, qui lui fout une bonne paire de tartes. La claque qui part. Ah, vraiment, hein. Et juste, du coup, rapidement, je suis sur IMDB sur les mots-clés autour du film. Alors, quelques mots-clés rapidement qui sont rigolos. Molestation. Voilà. Troisième œil. Ok, qui sont deux films indonésiens nuls. Molestation ? Dans Troisième Oeil. The Eye ? Dans Troisième Oeil. Je connais pas. C'est des contrefaçons d'Insidious. Troisième Oeil, c'est aussi un... Alors, ensuite, donc autre mot, Van. Voilà. Et mon petit préféré, Prologue. Donc je suis curieux d'appuyer pour voir les meilleurs films de Prologue. Voilà. Et peut-être un dernier, du coup, éventuellement, Ambulance. Voilà. Okay. C'est juste, From Beyond est un film d'ambulance. Carrément. Comme c'est donc le lien qu'on peut faire avec Michael Bay. Voilà, comme quoi From Beyond est à 1 degré de Michael Bay. D'ailleurs, je sais pas si vous avez cette anecdote, mais pendant le tournage de Reanimator, Stuart Gordon il était full premier degré. Et tout le monde se marrait et tout pendant le tournage. Genre, quand le film est sorti, les gens trouvaient le film cool, mais ils étaient en mode ah, c'est rigolo quand même. C'est très bis. Bah, ce qui est marrant avec Stuart Gordon, c'est que c'est des films qui sont tellement fun, c'est ça. Sauf sa trilogie de l'horreur sociale. Vraiment, je repasse une couche dessus, je pense qu'on en parlera dans un épisode, je trouverai un moment. Mais c'est des rares films qui sont pas fun, mais en même temps, il arrive vraiment à proposer une réalisation, une mise en scène qui est toujours super maîtrisée. Ouais, mais du coup, tout le monde trouvait le film marrant, etc. Et ça faisait chier Stuart Gordon. Du coup, pendant le tournage de From Beyond, H24, il était avec ses acteurs, il disait « Ok, c'est sérieux, les gars. C'est vraiment premier degré, on y va. » Ok, Barbara, à poil. Pour proposer... Ok, les gars, c'est sérieux. Bon, Barbara, tu prends le fouet, tu as fouetté les fesses de... Bref, tu te mets un gros verre sur le front. Allez, c'est sérieux, bordel. C'est vraiment ça, hein. En revanche, c'est vrai que pour le coup, c'est sur From Beyond, un truc qui est vraiment... Enfin, c'est vrai que ça doit être bizarre, parce que... Il veut être ça, et il fait peut-être son film le plus... Ouais, pas le plus drôle, parce que Reanimator est quand même plus drôle, ouais, vraiment. Mais son plus fun. Parce que, enfin, je trouve ce qui est le plus... Cat Dead. Détailateur. Ouais. Non, mais c'est vraiment... C'est assez bas. Enfin, From Beyond, à voir, et vraiment à voir juste pour ses effets spéciaux. Oui. Vous ne pouvez pas anticiper ce que vous allez voir. Ouais. C'est complètement barge. À nouveau, il y a un ver géant, il y a une créature, enfin, tout ce que vous voulez. Là. Tour de table, vous préférez From Beyond ou Reanimator, vous? Franchement, c'est dur, mais j'ai envie de te dire From Beyond. Parce qu'en fait, From Beyond a quelque chose que j'adore, j'en ai parlé, c'est le fait que je n'arrive jamais à savoir où est-ce qu'il va m'emmener. Là où Reanimator est plus sur des rails. Enfin, sur des rails à la Stuart Gordon, donc sur des rails un peu cabossés quand même. Oui. Mais From Beyond, je ne sais pas où est-ce qu'il va. Sur des Space Mountains. Ouais, c'est plus des rails à Space Mountain, quoi. Mmh. Toi, Roman. Alors, c'est dur aussi, mais Reanimator. Ouais, bah moi c'est pareil, je préfère vraiment Reanimator. C'est peut-être aussi parce que j'ai grandi avec, tu vois. Ça, ouais, ça doit être ça, tu vois. Mmh. Sinon, après Reanimator, faudrait qu'on en parle un jour. Mais moi, je veux qu'on parle de Beyond Reanimator. Oh, putain. Ok. J'aime beaucoup Beyond Reanimator. C'est le moins bon de la trilogie, mais ça reste tellement fun. Et bah, un jour, on fera peut-être un épisode sur la trilogie. Ah ouais, moi, la fiancée de Reanimator, il est vrai, il est bien. Oui. Franchement, il est bien. Beyond, en fait... Bah, c'est du pur Stuart Gordon, en fait. Enfin, du pur Brian Yuzna. Du coup, c'est pas forcément très intelligent, mais très généreux. Le problème de Beyond, c'est que déjà... Alors, dans mes souvenirs, il y a quelques effets spéciaux numériques. Donc déjà, c'est un peu cracra. Oui. Mais... Alors, on a rien contre le numérique, mais juste faire du body horror avec du numérique... Bah, non. Justement, je comptais en parler juste après, sur le fait que pour moi, c'est un truc... C'est à bannir. Tu fais pas ça. Mais Beyond Reanimator, moi, je trouvais ça très fun. On a terminé sur From Beyond. On attaque les années 2010. On attaque les années 2010. Alors... Rapidement, avant d'être quasiment 2010, justement, t'as abordé le sujet, c'est que quelque chose qui, pour moi, en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, vous me donnerez vos avis, c'est, pour moi, le body horror est indissociable, mais absolument, d'une horreur charnelle, et donc d'effets spéciaux prosthétiques, d'effets spéciaux qu'on peut voir, qu'on peut sentir, qu'on peut toucher. C'est pour ça que le body horror numérique, j'y crois vraiment très peu, les deux exemples qu'on peut citer là-dessus, c'est le remake de The Thing, qui sert... Préquel, qui... Et pas dégueu par certains aspects. Je veux dire, t'as quand même une équipe d'acteurs plutôt investie, t'as une réalisation qui se tient plutôt bien. Qui réalise Mathis von Engin. Mathis, c'est Mathis gueule. Qui réalise. Ouais, c'était un. Qui a fait un film de guerre récemment. Et qui, en fait, qui. Où les concepts de transformation de la chose sont intéressants. Je veux dire, moi, l'idée des deux têtes qui fusionnent, là, c'est plutôt pas mal. Mais. Ça, on n'y croit jamais. On n'y croit jamais parce que ça fait trop faux. Le truc avec les deux têtes qui fusionnent, il a juste vu ce plan dans l'original où on voit un truc avec les deux têtes qui fusionnent, il a fait hey. Oui, mais c'est le préquel justement. Oui, en fait, je trouve que c'est un film qui est tellement pas nécessaire. Il a besoin de. C'est un autre débat. Aucun film n'est nécessaire. Oui, mais c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est juste pour parler de l'horreur que veut retranscrire le film, je trouve que ça ne marche pas, à cause justement du numérique qui fait que ça a l'air trop faux. Et l'autre exemple qu'on peut donner, c'est ça 2. Roman, je sais que tu l'aimes, quand il tente de faire de l'horreur... Bah, la qualité du film, c'est pas forcément le sujet, mais quand il tente de faire de l'horreur charnelle, et en numérique, ça fonctionne pas. Donc, si vous avez lu horreur charnelle, Effets spéciaux numériques acceptés ou pas? Bah, tout dépend du truc, hein. Genre, je te l'avais dit l'autre jour, mais moi, je considère que le dernier Cronenberg... Le crime du futur. Il y a les effets spéciaux numériques. Mais qui sont bien... qui sont très légers. C'est juste des que définitions, à la limite. Ouais, mais on reste vraiment sur un film de body horror, pour le coup. Littéralement. Oui, mais après, tu vois, ça reste une exception. Mais par exemple, je pense à un autre film que j'ai qui est... Enfin, donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'arrive pas à croire... à une horreur vraiment charnelle et physique. Oui, mais... quand ça a l'air trop faux et oui, je suis totalement d'accord avec toi, il faut vraiment une sorte de texture avec Rob Bottin, Rick Baker, nos seigneurs et maîtres. Alors après s'il y a vraiment un soin tout particulier qui est apporté, ça peut se faire en numérique, mais là j'ai pas d'exemple précis en tête. Faut pas que ce soit 100% numérique, je pense. Ça peut pas être 100% numérique. Ça peut, ou alors tu fais un film d'animation. Ouais, en animation, mais ce que je veux dire, c'est que pour que ce soit compréhensible, je pense, il faut que ce soit vraiment quelque chose que tu sens, que tu sais, quelque chose d'où, qui est dégueulasse. C'est ça, le truc, vraiment... c'est que ça doit jouer sur la déformation du corps. Le truc, c'est que quand c'est voyant, le fait qu'il y a une différence entre le numérique et les acteurs, bah, c'est là où il y a la dissonance et c'est là où tu peux perdre un peu cette suspension de l'incrédulité. Voilà, alors que si tu fais tout en animation, par exemple, bah là tu peux dire, là vu qu'il y a une cohérence dans tout le truc, bah voilà, tu peux y croire. Bah, moi, un film que je sais souvent d'exemple là-dessus, c'est The Revenant, qui est un film que j'aime pas particulièrement, mais où il y a la scène d'attaque de l'ours. J'y crois pas. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que tu puisses, ben, le fait que Leonardo DiCaprio se fasse attaquer, se fasse charcuter la tête par un ours, le tout en plan séquence, j'y crois pas. Ou alors t'as vraiment eu un ours super sympa. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est quand c'est trop dans la mon petit ourson. Mais quand c'est trop faux, quand c'est trop mis en scène, trop avec trop d'artifice, j'y crois pas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très terreux, de très qui doit être tangible, j'y arrive, tangible, c'est ça le mot que je voulais trouver. Et donc, on attaque les années 2010 avec un film que j'ai voulu proposer, un film que j'avais pas vu depuis longtemps. Je me suis dit, tu sais quoi, ça va être sympa. Donc, c'est un film sorti en 2012, c'est donc American Mary. Alors, American Mary, donc, synopsis que j'ai totalement pompé sur internet, hein, je suis très mauvais là-dessus. Donc, désabusée par une profession qu'elle admirait et à court d'argent, Mary Mason, une étudiante en médecine, se retrouve plongée malgré elle dans le monde de la chirurgie clandestine et de la modification corporelle. Alors, donc, c'est un film réalisé par les Sœurs Soska. Sœurs Soska qui sont des... Alors, je crois qu'il est réalisé que par une seule des deux. Non, c'est réalisé par les deux. Ah, ok. Ouais, alors, c'est, j'aime à dire, des troubadours du bis. C'est-à-dire, elles font des films. Alors, elles ont réalisé Rabid, qui est le remake de Rage de Cronenberg. Est-ce que vous avez vu ce remake? J'ai vu l'original, mais pas le remake, non. Ok, vous pensez quoi de l'original? C'est vraiment chouette. Moi, j'aime bien un peu lent sur le. Emoji qui dort. Bah, pour le coup, Rage. Mais son espèce de clito beat, là, sous l'aisselle. Cronenberg. Ouais, ça. Pour le coup, moi, c'est un film que j'aime plutôt bien, l'original. Et alors, le remake, je l'aime beaucoup parce que il propose autre chose et il est. Dans mes souvenirs, à nouveau, je l'avais vu à sa sortie, il est beaucoup plus gore. Dans mes souvenirs, il est vraiment beaucoup plus trash. Et les Sœurs Soska, elles aiment bien le gore, ce qui n'est pas forcément le cas dans American Mary, mais parce qu'elles ont réalisé un autre film que j'aime beaucoup, qui est See No Evil 2, qui est un slasher produit par la WWE, avec Kane dans le rôle du méchant, et c'est sympa à voir, c'est... Kane... Pas Kane Odor, non. Kane Catcher. Ok. Alors donc écrit au scénario, c'est les Sœurs Soska qui font aussi une petite apparition dans le film. À la photo, c'est Brian Pearson qui s'est spécialisé dans les suites ou les remakes de films, puisqu'il a fait Final Destination 5, qui est pas le meilleur. My Bloody Valentine 3D, qui est un plaisir extrêmement coupable que j'ai. Oui. Moi aussi. L'effet Papillon 2, Urban Legend 2, Insidious 3 ou Drive Angry avec Nicolas Cage. Insidious 3, qui est Lee Whannell. J'aime pas du tout Insidious 3, pour moi c'est le pire, vraiment. C'est vrai que c'est le 4. Ouais, ça se bat avec le 4, tu vois, mais c'est compliqué. Ah, mais le 3 c'est Lee Whannell, moi. Ouais, mais c'est pas parce que t'as un nom derrière que... Vraiment, le 3, le problème, c'est que c'est prévisible. Mmh. À la musique, on a Peter Allen, qui a fait Cyborg 2. Et Reaper qui est un film, un slasher que j'aime bien. Ah putain, je vois l'affiche, le mec avec une hache comme ça... Non, l'affiche c'est une... Ah non, je confonds avec Tripper. Oui, tu confonds avec Tripper, ouais, non, Reaper c'est un slasher des années 2000 qui est pas mal, qui est une suite horrible, d'ailleurs. OFX, on a pas mal de personnes, mais personne de trop connu que j'ai pu noter. Au casting, on a la magnifique Catherine Isabelle, qu'on connaît pour Freddy contre Jason ou le chef-d'œuvre Ginger Snaps, qui est aussi connue pour une autre raison, c'est qu'elle ne retire jamais son haut. Je vous défie de me trouver un film où elle le fait. Donc, apparaît le casting, on n'a pas forcément d'autres noms. Rapidement, juste, je vous le fais à nouveau parce qu'il y a quelques mots-clés que j'ai notés qui sont plutôt rigolos, sur, toujours sur IMDb. Donc, on a blessure au pénis, soutien-gorge noir et perroquet. Je me suis dit que tu as les meilleurs films de perroquet. Donc, alors, rapidement sur American Mary, c'est peut-être, malgré ce que peut prédire l'affiche et toutes sortes de choses, également la carrière des réalisatrices, c'est peut-être le film le plus soft qu'on a ce soir avec le suivant. Avec le suivant. C'est peut-être le film le plus soft, mais ce que j'aime dans American Mary, alors pour moi j'y vois trois gros défauts, je vais revenir plus tard, mais les grosses qualités du film, c'est d'abord son univers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de films qui vont se dérouler dans l'univers de la chirurgie illégale, et si ça le fait, et ça le fait même plutôt bien avec quelques idées de body horror quand même bien trouvées, et surtout on n'est pas dans un body horror comme ce qu'on a eu jusque-là, entre guillemets, vraiment la fantaisiste un peu fou, plus dans un body horror entre guillemets crédible, puisque c'est la chirurgie corporelle actuelle. Chirurgie esthétique, donc on va avoir une femme qui veut ressembler à Betty Boop, ce qui est très dérangeant à voir, ouais. Elle met pas à l'aise. Sachant que j'ai revu Roger Rabbit il y a pas longtemps. Ouh. Tu... Ouais, je, oui. Je vois où tu veux en venir. Je voilà. Vois où tu veux en venir. T'as la Betty complètement en déchéance, ah, là, tout le monde en noir et blanc. Ouais, c'est ça. On a une personne qui veut s'enlever les tétons, ce qui donne un résultat, ou se faire des étoiles, des tétons en forme d'étoiles. Ouais. Bref, toutes sortes de choses, notamment une scène qui est assez drôle où quelqu'un lui dit qu'il aimerait bien un piercing et elle le vire de son cabinet, genre je ne fais pas les piercings, voyons. C'est trop vanilla pour moi. Voilà, son univers. Ensuite, le fait que malgré son amour visible pour le bis et le crapoteux, elle va quand même faire l'effort d'ancrer son film en partant d'un point de vue malheureusement trop actuel, c'est-à-dire que c'est basiquement un rape and revenge, oui. Avec d'ailleurs une revenge que j'aime vraiment beaucoup, ce qu'elle fait subir au bonhomme. Oui. On voit pas grand-chose, on voit le résultat et c'est correct. On va alors, le film ne tourne pas autour du rape and revenge, c'est juste c'est un élément. Elle a plusieurs arcs au fil du film, dont celui-là. Voilà, et pour moi la grosse qualité c'est l'interprétation de Catherine Isabelle, que je trouve, c'est pas un rôle facile, mais ouais, elle arrive quand même à t'attacher au personnage de Mary. Mais maintenant, le film a pas exemple de défaut, et bon, pour moi, le plus gros défaut, c'est sa fin, que je déteste. Je trouve la fin, c'est... on savait pas comment conclure le film, bah voilà. Ouais, c'est vrai. Spoiler sur la fin, c'est... Elle se fait attaquer chez elle, elle meurt. En tentant de se recoudre, mais elle meurt. Elle se fait attaquer ça, par le... mec d'une de ses patientes qui a voulu... ressembler à Barbie. Non, justement, qui... ressemble à une poupée, hein, elle voulait ressembler à une poupée. C'est ça, et donc elle voulait se... se reboucher l'orifice, on va dire. C'est ça, voilà. Mais c'est... enfin, vraiment, c'est... comment dire... cette fin, je ne la comprends pas. Je sais pas, vous savez pas comment finir leur film. Et le fait que le film peut être un peu déceptif si on vient pour de la tripaille. C'est-à-dire que ça va plus être des images vraiment bizarres et dérangeantes, plus que du gore crado. Et si on vient pour ça, ça peut être un peu déçu. Parce qu'en fait, le film est plus une espèce de comédie noire... trash que vraiment un film d'horreur comme ce que peut présager son affiche où elle est ensanglantée tout sourire. Un avis rapide, Roman, tu m'as l'air prédisposé à parler sur American Mary. Alors American Mary, je l'ai découvert, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a deux ans. C'était il y a deux ans. Pour l'horreur de festival. Ouais. Je l'avais regardé, il était sur Freakson. Il est toujours sur Freakson. Il est sorti en Blu-ray en France d'ailleurs. Ouais. Et on n'a pas fait le... Ouais, si, j'ai les notes, j'ai le point pour qu'est-ce qui est sorti en France, t'en fais pas. Ok. Et donc j'ai découvert à ce moment-là, je l'avais plutôt bien aimé, et je l'ai revu pour préparer le premier épisode du podcast quand mon cher compère, le Gugus, me dit « Hey, je veux mettre American Mary dans les slashers !» J'avais souvenir d'un slasher, et donc en fait, j'ai réalisé dans le film, en fait, j'avais souvenir d'un slasher avec quelqu'un déguisé en médecin qui tuait des gens. Mais du coup, c'est pas lui. Et si vous avez des slashers avec un médecin qui tue des gens, je suis preneur parce que je suis toujours en quête de ce slasher. Ce n'est pas American Mary. Non. Mais vraiment, c'est un bonhomme qui est déguisé en médecin. Donc, femme ou homme, je sais plus. C'est pas Ambulance de Larry Cohen ? Non, c'est pas un slasher Ambulance. Ah, j'ai pas vu. Non, c'est pas du tout un slasher. Erreur à l'hôpital central ? Non. Vraiment, c'est un mec en médecin qui se balade et qui tue des gens. Mais je retrouverai le film, je suis sûr, je le retrouverai un jour. Maniac Surgeon. Non ! Ça n'existe pas. J'imagine tellement Maniac Cop, tu sais, avec sa matraque, mais tu sais, au lieu de ça, c'est un scalpel. Scalpel au bout, comme ça. Vous avez le droit de garder le silence, hop là. Et je l'avais franchement bien aimé. C'est-à-dire que c'est un film qui est pas commun, on va dire. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est un film unique. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, C'est en termes de narration, il y a pas vraiment d'histoire vraiment concrète. Juste, tu suis les pérégrinations de Marie. Et franchement, bah, c'est bien fait. C'est bien fait. Après, est-ce que c'est un grand film? Non. C'est plus une proposition très intéressante, oui, mais pas forcément incroyable. Voilà. Il y a des scènes qui sont assez dures à voir, notamment la scène où elle torture son tortionnaire. La scène du coup du viol en question aussi, qui a quand même le bon goût d'être globalement assez courte. Oui, c'est-à-dire que elle est droguée. Elle est rapidement élaguée. Oui. Donc c'est-à-dire que Marie est droguée et ça coupe très vite, mais on comprend bien, voilà, que voilà. Et l'imagination fait le reste après, ce qui est pire limite. Et surtout moi quelque chose que j'aime, c'est que ça ancre son récit nouveau dans un contexte réel avec l'histoire du viol et le fait que à la base elle a pas de thune et c'est justement ça qui la pousse à se tourner vers d'autres propositions. Voilà. D'ailleurs, si son prof la viole, c'est aussi parce que il s'est dit tiens, elle s'est fait de l'argent, elle doit vendre son corps. Cette logique qui va, ah, ça c'est un autre problème du scénario, c'est les ficelles se voient un peu quand même. Oui. Un petit peu. Et toi Ulysse, American Marie? Bah en vrai j'ai bien aimé sans trop plus. Sans, pour être honnête. Oh non, c'est une petite proposition. Tu sais, c'est le petit bonbon de la sélection. Ça, ouais, voilà, c'est un petit film. Plutôt sympathique, je vais pas mentir. C'est-à-dire que y a pas vraiment de longueur, le rythme il est bon, tu t'ennuies pas vraiment quoi devant. Après il y a vraiment tout le côté aussi, il y a tout le côté, elle fait de la chirurgie etc. Mais le film on te le montre pas en fait. C'est développe, ça qui... ouais, le film développe aussi un côté genre c'est une artiste, elle fait de l'art à travers le corps etc. Et ça, le fait d'envisager ce genre de chirurgiens comme des artistes du corps, c'est quelque chose de très très body horror. Qui revient au body horror. Ça, voilà. Et bah, c'est même directement sur l'affiche du film, il y a écrit She's an artist. Voilà. Après, pour moi, le gros point noir du film, c'est que c'est trop soft. C'est-à-dire que j'aurais aimé voir un stand goreux, tu me diras, mais un peu plus de modifications, de saloperies, quoi. Et. Ouais, peut-être. Peut-être, je sais pas, une séquence où on montrerait par exemple des patients qui sortiraient avec des espèces de déformations. Bah, tu la vois un petit peu un moment, tu les vois un petit peu, tu vois plusieurs photos et c'est ouais, des patients qui ont été ça. Moi, bon, il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire quand même, c'est quand tu vois les sœurs Soska, donc les réalisatrices, qui veulent se devenir siamoises. Et je crois qu'elles sont jumelles parce qu'en tout cas, elles se ressemblent vraiment beaucoup. Ouais. Du coup, ça, c'est assez amusant de les voir comme ça ensemble. J'ai pas dit que c'était elle. Si, c'est elle. Après, à nouveau, c'est le petit bonbon de la sélection. Tiens, c'est un peu le Hellfest de cet épisode. Ouais. C'est à nouveau pas grand chose à dire, mais juste c'est sympa. Surtout, ça dure 1h40, ça se regarde très bien. Alors, attends, après, d'ailleurs, il est pas à prendre à la légère, il est quand même un peu dérangeant. Faut pas juste, en vrai, c'est pas le premier film dont on parle qui est réalisé par une femme, enfin par des femmes en l'occurrence. Oui, on va se mettre Twitter à dos. Oui, oui. Bah, on a trois femmes réalisatrices à cet épisode-là. Oui. On compense lentement mais sûrement. Voilà. Mais si, on aimerait avoir plus de femmes réalisatrices, notamment en France. Faites des films, s'il vous plaît. Voilà. Dans la mesure du possible, faites des films. Peut-être qu'un jour on parlera. Évidemment. Peut-être qu'un jour on parlera de Coralie Farja ou. Oui. je fais partie du Revenge Fan Club beaucoup. Faites des films et surtout bonne chance pour en faire dans notre système. Oh, avec le nouveau directeur du CNC. Il y a pas de raison. Non, bah voilà, American Marie, on passe rapidement dessus, vraiment c'est le petit bonbon, le petit plaisir finalement. Je peux rajouter quand même un truc par rapport au fait que tu disais que le film était peut-être pas assez gorasse. Justement, je trouve qu'il allie en fait son propos avec une mise en scène justement qui est très chirurgicale, sans mauvais jeu de mots, très clinique, très froide en fait, ce qui rappelle un peu genre tout ce qu'on pourrait voir un peu au cinéma avec le milieu hospitalier. Donc je trouve pas ça forcément dérangeant que le film soit pas un gorefest. Ce que je veux dire, c'est que sans forcément aller dans un gorefest, moi ce que j'aurais aimé voir, c'est plus d'étrangeté, on va dire, venant d'un film qui te vend le concept de quelqu'un qui va dans la chirurgie esthétique extrême. Oui, c'est vrai. Moi, tu me vends quelque chose comme ça, je demandais pas Freaks de Todd Browning, mais j'aurais voulu voir plus de trucs où tu te dis, ah quand même, c'est... Mais il y a quand même le mec Le seul truc qui est vraiment étrange, c'est le mec qui l'a violé. Elle va lui enlever les bras, les jambes et le pénis. Le pénis, bah, la langue, enfin bref. Mm. Et qu'elle va garder en vie. C'est le seul truc qui est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Sachant que moi, ça m'a pas tant que ça choqué, sachant que j'ai bossé dans un hosto pendant un mois et que j'en ai vu des trucs. Bizarre un peu l'ambiance. Notamment, notamment avec son jambe. Hein. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Mais, pas de chance à lui. Mais donc voilà, est-ce que tu veux passer à ton film, Lulu ? Il me semble que c'est toi après. Spring. Oui, bah oui, c'est moi. Donc Spring, sorti en 2014. Ouais, réalisé par... Attends, je prends mes fiches. Donc Spring, sorti en 2014, est réalisé par Justin Benson et Aaron Moorhead. Aaron Moorhead. Donc réalisateur de The Endless, Synchronic et Resolution. Je dis un mot dessus rapidement. Ah, je les ai pas vus, donc fais-toi plaisir. En fait, c'est deux réalisateurs qui sont très indépendants, très très indépendants, que moi j'aime bien, qui font des films généralement assez atmosphériques, assez ambiants, mais toujours honnêtes. Jamais devant leurs films, je me suis dit que c'était des poseurs. Après, ils sont pas encore trop connus, mais je pense que The Endless les a quand même bien fait. Enfin, The Endless s'est quand même fait un petit nom. Bah, après, ils ont fait un truc récemment qui les a mis sur le devant de la scène. Ouais, ils ont bossé sur Moon Knight, mais bon, je les considère. Enfin, je vois pas du tout comment ils ont pu bosser là-dedans, parce que vraiment, enfin, tu vois aucune patte, tu vois rien. Enfin, Moon Knight était quand même bien calamiteux, hein, c'était vraiment difficile. Mais qui sont un duo de réalisateurs qui font beaucoup de choses eux-mêmes, je pense que tu reviendras dessus, mais ils ont pas mal de boulot sur. Ils occupent pas mal de postes sur leur. Sur leur film, et que je vous invite vraiment à découvrir les films. C'est généralement assez lent, assez contemplatif, mais c'est toujours des propositions vraiment, vraiment fascinantes, je trouve. Je te laisse reprendre. Bah, du coup, pour l'histoire du film, c'est suite à la mort de sa mère. Evan, il va prendre des vacances en Italie, où est-ce qu'il va rencontrer Louise, dont il va tomber amoureux, donc une Italienne. Et sauf que, en fait, Louise, on va se rendre compte qu'elle est pas vraiment humaine. Elle est plutôt, sans vraiment spoiler, une entité assez intéressante. Bah c'est une créature immortelle et qui a un espèce de cycle de régénération régulier. Ouais, tous les 20 ans. Tous les 20 ans, ouais. Tout en étant une sorte de créature lovecraftienne. Exactement. Tentaculaire. C'est ça, un peu amphibienne, un peu aquatique. Une espèce de croisement entre un poulpe, un piranha et Lovecraft. Qui mange des chats. Lovecraft l'auteur, pas Lovecraft les bouquins, vraiment. Howard Philippe lui-même qui bouffe des chats, qui bouffe des chats. Exactement. Ah bah comme le chat de Lovecraft. On arrête là tout de suite. On arrête, si, chercher le nom du chat de Lovecraft si vous voulez comprendre pourquoi. Est-ce qu'on arrête là de suite? Donc au niveau des acteurs, on a Lou Taylor Pucci et Nadia Hilker. C'est vraiment deux énormes no-names, mais j'ai quand même noté que Lou Taylor Pucci a joué dans le remake d'Evil Dead. Très bon remake. Excellent. Excellent remake. Meilleur que le film de Rémi. Que le 1. Je suis pas forcément d'accord, mais c'est à cause de ce remake que j'ai cru au Massacre à la tronçonneuse de 2022. Ce qui fait que depuis Fede Alvarez, je le regarde avec la tête à The Rock. Mais il a quoi de rapport Fede Alvarez avec le film? Bah, il était à la base, il devait le réaliser. Ouais. Et finalement, il était producteur. Et il était bien, bien impliqué sur le film. Okay. Du coup, le tête à The Rock. Après Alvarez, on lui dit aussi Don't Breathe. Oh, c'est sympa. C'est sympa, Don't Breathe. Mais bref, là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet. Donc Spring. Spring, en fait, on a vraiment, comme tu disais, une atmosphère qui va se dérouler pendant le film. C'est pas forcément un film d'horreur qui va chercher à faire flipper. On est plutôt dans une sorte de. D'histoire d'amour. Une sorte d'amour, c'est ça. Fantastique. Qui va lier un peu de body horror. J'avoue qu'en fait j'avais pas vu le film avant de l'inscrire dans la section. Donc ça devient une régularité dans ce podcast. Il y a généralement un coup de poker par épisode. J'avais pas vu Elder's Tide avant de le choisir. Moi j'avais vu les deux. Et Spring était le film que je n'avais pas vu. Ouais, bah Spring du coup, bah. Normalement une sorte d'atmosphère qui est très planante. Très vaporeuse. Vaporeuse, exactement. Qui va te montrer un peu l'Italie comme une sorte de no man's land, de. Pas forcément de débauche, mais de vide. Ouais, en fait, plutôt vide, en fait. Un énorme vide dans ce film. Après, c'est la campagne, en général. Ce qui est amusant, ouais. C'est que quand on regarde des films qui vont filmer l'Italie, on est plutôt habitué à des couleurs très pop, très, très peps, assez joyeuses, assez vives. Là, le ton dominant, c'est gris. C'est très terne. Même si le film arrive quand même à avoir quelques images très très belle. J'ai une image que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est quand les deux sont ensemble sur la plage, et en fait t'as un plan où derrière eux tu vois les deux sur la plage, la mer qui t'as deux falaises qui ils sont entre les deux falaises et t'as la lune au-dessus et je trouve le plan plutôt bien construit, assez joli. Non mais il y a beaucoup de plans très jolis, notamment le plan dans la caverne aussi. Oui. Vraiment, c'est un film qui est beau, mais en fait je t'avais fait la comparaison, mais il me rappelle énormément Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg. Ouais. Dans sa façon de filmer un décor qu'on est habitué à voir de façon plutôt pop, plutôt jolie. Donc, c'est Venise. Ne vous retournez pas, c'était Venise, et de façon totalement anti-cinématographique et de prendre le contre-pied total de ce qu'on a l'habitude de voir pour transformer un décor qu'on est habitué à voir plutôt avenant en finalement un terrain de cauchemar absolu. Bon, c'est pas aussi abouti dans Spring que dans Ne vous retournez pas, on va pas comparer Benson et Moorhead à Nicolas Roeg quand même. Ouais, non, mais c'est, moi j'y vois clairement une affiliation. Oui, bah certainement, de toute façon j'ai envie de dire ils ont certainement vu le film. Oui, c'est clair et net. Et toi Roman, Spring, le printemps. Le printemps comme on dit au Québec. Alors Spring, je connaissais pas du tout. Je l'avoue. Personne ne connaissait. Si, moi j'en avais entendu parler pour. Oui, tu l'as pris. Mais à part toi, genre quand tu l'as proposé, nous deux on s'est dit oui. Ok. Ok. Mais encore. Et moi, quand j'ai vu que c'était Benson et Moorhead, je me suis dit oula. Mais donc, j'ai découvert ça. Et. Alors. T'as trouvé ça chiant? Franchement, pas tant que ça. Surprenant. Très surprenant, mais franchement, pas tant que ça. Non, c'est un film qui. Est sympathique. Encore une fois, c'est. Tu suis un peu comme la mouche, mais où t'inverses l'homme et la femme. C'est-à-dire que tu suis cette relation amoureuse qui. Le statut de l'un va rendre la situation compliquée, justement. Mm-hmm. Le statut de monstre, finalement. Même si c'est beaucoup plus tendre que la mouche. Mm-hmm. Et ouais, c'est un film. C'est un mot que j'utilise beaucoup quand on parle, genre de ouvrir les yeux, quoi. Mais c'est un film humain. C'est un film de monstre très humain, au final. Del Toro approuve. Justement, je vais y revenir. Mais oui, c'est un film. Alors, si vous êtes sensible au rythme comme moi. C'est peut-être pas le film à choisir. C'est ça. On n'est pas chez From Beyond, hein, c'est sûr. C'est pas une soirée bière pizza entre potes, mais. L'heure 40, elle se sent un petit peu plus ici. Mais. Déjà, la photo est quand même très belle, je trouve. Ouais, vraiment très belle. Très belle, elle réussit à être belle malgré sa. Monochromie, monocouleur. Ouais. Ouais, mais oui, c'est un film atmosphérique, c'est un film assez planant au final. Et. Pour le coup. Ça fait partie de ces films atmosphériques que j'aime. Ça me fait plaisir. Voilà. Même si je le trouve pas non plus excellent, il y a des trucs à redire. Enfin, je trouve quand même qu'il y a un gros ventre mou à un moment donné. Ouais, après leur première séparation, je trouve. Enfin, ouais. Première d'une longue série. Mais après leur première séparation, t'as quand même une longue série, on va dire. Maintenant, si je donne mon avis rapide sur Spring, comment dire ? Déjà, il va pas faire de pas vers vous par sa forme. C'est gris. Son personnage est pas spécialement attachant. Ah, c'est un film de Snyder. Je t'emmerde. Mais c'est vraiment assez lent et ça prend son temps. Donc vraiment, si vous voulez du rythme, c'est pas là. C'est pas là du tout. Ah, c'est un film de Snyder. Je t'emmerde. Ce qui reste super intéressant dans le film, c'est Roman en a parlé, c'est vraiment son traitement de l'histoire d'amour. C'est-à-dire que il va le traiter avec beaucoup de douceur, beaucoup d'humanité. Ben, à nouveau, Roman en a parlé, mais sans tomber dans des espèces de clichés, des clichés poussifs et pas forcément utiles. Et là, ça va vraiment être comment est-ce que si l'un des deux ne peut pas, malgré sa volonté, ne peut pas forcément, va devoir composer avec l'autre et on peut y voir une lecture sur le traumatisme. Je me suis dit un truc comme ça, avec le fait que, une phrase que j'aime beaucoup qui est « J'aimerais, mais mon corps ne veut pas. » Mon corps ne veut pas, c'est bien ça. Ou justement, elle qui... Est-ce qu'elle est amoureuse de lui ? On ne saura jamais vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment, elle lui dit que non, mais la fin vient contredire ça. Et à chaque fois, et c'est un truc qui revient régulièrement, et dès qu'il y a un trigger qui va activer ce traumatisme, ça va à nouveau la marquer et elle va devoir composer avec, on va dire. Et en même temps, c'est un film qui va pas rechigner à montrer le fantastique, c'est-à-dire que son look de créature, il est quand même plutôt cool. On le voit peu, oui, mais il est sympa. Maintenant, sur le body horror, c'est peut-être lui le plus soft de la sélection, je dirais, avec Titan. American Mary aussi. Bah American Mary a quand même quelques images plutôt chouettes, mais c'est en termes de proposition trash, C'est, pour moi, c'est Spring le plus soft. Et à savoir que Guillermo del Toro a adoré le film, parce qu'il trouvait que c'était, vraiment des meilleurs films des 10 dernières années. Et j'avoue pas forcément être d'accord, mais je peux comprendre pourquoi il a aimé, parce qu'il y a ce côté vraiment vaporeux, vraiment souvenir. Je sais pas, en quelque sorte, ça m'a fait penser à, je sais pas si vous avez vu ça, à La Merveille de Malick. Non. Non. Alors, à La Merveille de Malick, c'est un film qui est un peu raide à aborder, parce que c'est un film qui est toujours est raconté dans sa narration comme dans sa forme, toujours par un comme si c'était un souvenir. C'est-à-dire, c'est beaucoup de voix. Pas de voix intérieure, des dialogues des personnages avec eux-mêmes, et des plans très, très lents, très posés là-dessus. Alors, sans aller jusqu'à une photo à la Malick, le film a un peu cette forme-là, où tout, c'est... Tu vois, si à la fin, il avait mis un plan où, en fait, on voit un bonhomme vieux et faire « et c'est comme ça que je l'ai rencontré », j'aurais fait « oui, non, ça se tient ». Mais ça reste vraiment un film que j'ai bien aimé, et qui... Comment dire... Qui est une proposition vraiment intéressante. Maintenant... Est-ce que j'ai envie de mourir sur une colline pour lui ? Non. Non. Voilà. Parce que moi, de Benson et Mourette, je préfère vraiment The Endless, que je trouve être plus abouti et plus poussé. Mais voilà, ça reste, ma foi, un objet cinématographique plutôt sympathique. Est-ce qu'on passerait au dernier film ? Ou alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur... Moi, c'est bon. Moi, ça va, honnêtement, j'avais pas grand-chose à dire... Malheureusement. Ok. Roman, tu nous parles du dernier film, le moment de Discord. C'est ça. Donc, le dernier film. Et il a divisé ici autant qu'il a divisé quand il est sorti. Oui. Titan, de Gilles Ducourneau. Alors. J'aime beaucoup ce film. Alors, c'est en audio, donc on aura juste entendu des bruits bizarres. Mais t'en fais voilà. Ce que tu veux. C'était des applaudissements. Des applaudissements. Oui, je vous jure. Donc, I swear, officer. Titan. Titan, donc, sorti en 2021. Alors, je l'ai choisi principalement pour pouvoir parler de Ducourneau. À mon grand dame. Parce qu'à la base, je voulais parler de Grave, mais ça rentrait pas trop dans le body horror. Moi, j'aurais préféré revoir Grave. Mais c'est vrai que ça rentrait pas vraiment, mais j'aurais préféré revoir Grave. À la limite, on aurait pu parler de Junior, mais voilà. Ouais. Est-ce qu'on parle de court-métrage ? Ouais, on dérivera sur Ducourneau de façon générale. Oui. Donc, Titan, donc c'est un film écrit et réalisé par Julia Ducourneau, et co-écrit par Jacques Acciutti. Voilà, qui a rien fait de marquant. Et en consultant, on avait Simonetta Grigio, donc c'est le seul scénario, et Jean-Christophe Bouzy, qui était monteur sur Titan et sur Grave. Mm-hmm. Voilà. Qu'est-ce que ça cause ? Ça cause de Alexia. C'est un prénom qui revient souvent dans les films du Corneau. J'ai une anecdote, d'ailleurs, sur l'actrice. Oui, je sais. Ouais. Mais donc oui, il y a trois prénoms qui reviennent souvent dans les films du Corneau. C'est Adrien, Alexia et Justine. Justine, qui est le personnage dans ces films qui est joué par Garance Marié. Qui s'appelle comme ça dans Junior, qui s'appelle comme ça dans Grave, et qui s'appelle comme ça dans Titan. Alexia, c'est le nom de la sœur de Justine dans Grave. Ouais. Et Vincent, c'est le... pas Vincent, Adrien, Adrien, c'est le nom du mec de... C'est le nom du coloc de Justine dans Grave, et c'est le nom que prend Alexia dans Titan. À un moment du film. Voilà. Et donc, Alexia, ben... Globalement... Qui est une danseuse. Qui est une... c'est ça, elle danse sur des voitures, dans des salons. Et accessoirement, elle a une autre passion, c'est tuer des gens. Voilà, elle aime tuer des gens, sauf qu'un jour elle va aller trop loin, elle va tuer beaucoup de personnes en même temps, elle va brûler la maison de ses parents, tomber enceinte d'une voiture, alors pas accoucher d'une voiture, tomber enceinte avec une voiture, voilà, c'est... parce qu'elle aura forniqué avec une voiture, voilà. Et Cronenberg serait fier, ouais, et je crois qu'il l'est. Je crois qu'ils ont déjà eu, hein, il y a une photo de Julien Ducourneau et de Cronenberg. Je serais super curieux de voir une interview croisée des deux. Vraiment, génial. Je serais très curieux de voir ça. Et pour échapper un peu aux forces de l'ordre qui la recherchent, elle va décider de prendre la place d'un enfant qui a été porté disparu depuis 10 ans et de se faire passer pour lui. C'est un garçon, donc il s'appelle Adrien. Voilà. Corentin, qu'en penses-tu ? À direct. Non, vas-y, Ulysse, vas-y, Ulysse. Ah, vas-y, avant moi, parce que le problème, c'est que j'ai pas envie de casser votre délire, j'ai pas envie de faire chier, donc vas-y, Ulysse. Mais fais chier. Non, vas-y, Ulysse démarre. Ah, ok. Bah, t'es sûr que tu veux pas commencer Est-ce qu'on dérive rapidement ? Est-ce que vous voulez parler rapidement de Grave, d'abord ? Parce que Grave, je veux bien démarrer. On peut parler de Grave avant, oui. Bah, Grave, pour le coup, je peux dire, moi, je suis un énorme fan moi de aussi. Grave, je trouve ça vraiment fantastique. Grave, c'est un film qui arrive... C'est nouveau, c'est ces films-là qui arrivent en même temps à être purement pas fun, mais tu prends du plaisir à les voir, et en même temps vraiment mal inséré. Il y a, pour le coup, le ce qui est défendu est plutôt basique, c'est à nouveau l'habituelle sexualité chez l'adolescente, mais qui est vraiment, je trouve vraiment ça pertinent, et surtout il y a des scènes dedans qui sont marquantes, qui sont vraiment marquantes. Enfin, on ne va pas détailler, mais je pense que si vous l'avez vu, vous voyez de quoi on parle. Et la musique, et hein. Là, bah, surtout grave, ce qui est fantastique, c'est la musique. On en reparlera tout à l'heure. La musique, la photo, les acteurs, il n'y a pas un truc que je trouve vraiment raté. Et grave, c'est un film qui m'avait profondément marqué, et c'est pour ça que j'attendais Titan un peu au tournant. Et ça va. Vas-y, donc je. Grave, bah, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé le film vraiment pas top. Puis je l'ai revu, je me suis pris une claque. Genre, je me suis mangé, tu vois. Et c'est vrai que depuis ça, j'ai tendance à beaucoup apprécier le travail de Julia Ducournau. C'est vrai que dans Grave, on a tout un travail qui est à la fois très proche de ce que pourrait faire du Cronenberg, avec quelques pointes de Argento dans l'utilisation des couleurs fortes et primaires. Je pense à un plan qui a tombé par terre de Justine dans un couloir. Oui. Avec le couloir rouge qui pourrait quasiment être sorti d'opéra, en fait. Hein. C'est Suspiria. Suspiria. Bah, d'opéra, je pense à un plan d'opéra en particulier. Bah, d'ailleurs, quand tu sur le Digipack Collector français, quand tu déplies le truc, et c'est ça, justement. C'est le plan du couloir qui a tombé par terre. Non, c'est magnifique. Ouais. Puis il y a même le plan du miroir et tout. Enfin, il y a énormément de... Grave, c'est Cronenberg qui fornique avec Argento, fait par une Française. Quoi. C'est... Ouais. Vraiment, c'est vraiment génial. C'est le savant mélange. Mec, il y a une esthétique quand même. Bah, justement, comme tu disais, Argento, une esthétique un peu clean. C'est-à-dire que l'image est quand même assez. Quand même très propre. Il y a pas ce. Bah, c'est Argento période trauma, mais avec parfois quelques ressorts à la Suspiria en fait. C'est ça, on est plus sur une image proche d'un Suspiria plutôt que d'un frisson par exemple. C'est-à-dire que. Ouais. Voilà. Ouais, après il y a aussi un côté un peu. Argento dans la forme, Cronenberg dans le fond. C'est ça. Avec, et elle tape dans le fond. Oh, avec plein de messages néo-féministes un petit peu, qui sont très bienvenus et qui sont très très bien insérés dans le film, je trouve. Ouais, ça, je pense que ça s'intègre à la narration sans pour autant la parasiter. C'est ça qui est vraiment bien vu. Donc vraiment grave, c'était vachement bien. C'est un film qui sait gérer son message et qui sait gérer à peu près tout le reste. Donc, bah, un premier film qui était très prometteur. Un premier film est formidable. Coup d'essai devenu coup de maître. Et du coup, vous aviez une attente quand Titan est sorti. Alors, Titan, je refusais de voir toutes les bandes annonces, je ne voulais rien savoir. Bah, alors, pareil, c'est-à-dire que Grave, en fait, Grave, j'ai découvert en salle quand il est sorti. D'ailleurs, on m'a pas laissé rentrer dans le cinéma. Ce qui fait que j'ai dû revenir avec mon daron quelques jours après, parce que le film était interdit aux moins de 16 ans et qu'à l'époque j'en avais 15. Ouais, il n'était pas avec avertissement. Non, il était sans avertissement, je crois. Je sais plus. Je pense qu'il était sans avertissement. Et du coup, je suis allé voir Grave avec mon père, qui avait quand même bien aimé aussi d'ailleurs. Et oui, Grave, je me suis pris une petite claquasse dans la gueule là. Et oui, donc j'attendais beaucoup Titan. Titan, pareil, j'ai refusé de voir les bandes annonces, je voulais pas savoir de quoi ça parlait. Pareil. Et donc je pense que je vais vous laisser démarrer les gars, parce que je vais pas vous mentir que ouais, il y a l'un des trois a été un peu déçu par Titan, on va dire. Vas-y. Franchement, c'est ton film. Vas-y, Roman, tu démarres. Alors, je pense que je serai la tempérance, c'est-à-dire que je serai le porridge de bébé ours. Ulysse, le porridge de papa ours, et non, moi je serais juste en train de pleurer dans mon coin. Voilà. Non, mais voilà, c'est Titan, c'est un film que j'aime bien. C'est pas un film que je trouve excellent comme Ulysse, c'est pas un film que je déteste comme Corentin. C'est un film que j'aime bien, qui déjà a des effets spéciaux mais magnifiques, je trouve. Enfin, tout le taf sur la grossesse, cette espèce de ventre métallique là, même la cicatrice d'Alexia sur le crâne, où on dit vulgache, mais ce bébé à la fin, ouais. Avec sa colonne mécanique. Même. Oui, oui. Le fils de Robocop, littéralement. Et au-delà de ça, c'est alors... L'histoire me laisse un peu en dehors, le rythme me laisse en dehors aussi, mais... C'est pas peu dire. Mais le film est sauvé par notamment des scènes qui juste sortent complètement de nulle part. Enfin, genre, la scène de danse sur le camion de pompier. Ça sort pas de nulle part, j'en parlerai de ça. Ou même juste à quel moment, enfin, le virage est totalement inattendu, le fait de prendre l'identité de quelqu'un comme ça, c'est-à-dire que t'as littéralement deux films en un, t'as un film de serial killer et t'as un film d'usurpation d'identité, où Bah, un film de serial killer suivi d'un plutôt un espèce de drame familial à teinture fantastique, mais ça devient quasiment un drame familial sur la deuxième partie, je trouve. Oui. Toi, Ulysse, sur Titan. Bah, Romain, t'avais terminé ? Globalement, oui. Après, je reviendrai peut-être dessus après, mais voilà. Bon, on en discutera. Du coup, ouais, je l'ai vu en salle le jour de sa sortie, et c'est vrai que je me suis mangé une petite claque, quand même. J'ai mis du temps avant de digérer le film pleinement, mais on est vraiment, en fait, devant un produit de body horror très inspiré de Cronenberg, encore une fois. Avec, encore une fois, un petit côté Argento, plutôt côté Inferno, je dirais. Là où Grave, c'était plutôt axé Suspiria, là on est plutôt sur un truc un petit peu plus axé Inferno, je dirais. Je sais pas ce que vous en pensez. Y a de ça, mais ça va jamais dans l'abstraction quasiment absolue que propose Suspiria. C'est-à-dire que mais Suspiria, oui, c'est un film... Moi, Suspiria, c'est un film, tu m'enlèves tous les dialogues et tu me mets que l'image et le son, ça me va parfaitement. Oui, là totalement. Où Titan, tu m'enlèves l'image et le son... Non, tu m'enlèves tous les dialogues, tu me laisses juste l'image et le son, ça devient sérieusement compliqué. C'est... Oui. Bref, la première partie, c'est le killer du film, je la trouve plutôt cool, mais c'est pas celle que je préfère. Je préfère la deuxième, comparé à beaucoup de personnes ici. Ça se voit pas. Oh putain, je vais me faire défoncer la gueule. Ça se voit pas, mais mon sourire s'effondre au fur et à mesure qu'il va te faire. En fait, c'est que on parlait de message social dans Grave. Suite Titan aussi est assez surprenant, parce que c'est vraiment un film qui va parler... plus ou moins de transidentité, ça a été beaucoup... Totalement dit. De transidentité, totalement. C'est le cœur du film. Oui. Ouais, mais il y a aussi un énorme axe sur la masculinité qui est beaucoup questionnée et remise en cause un peu dans le film, notamment la scène du camion où Adrien danse sur le camion et t'as tous les pompiers qui juste la scène d'avant, ils étaient tous en train de se frotter le corps tels des dieux du stade en puissance avec de la grosse musique et la transpiration et les grosses lumières violettes là, tu vois, et qui d'un coup se retrouve face à une figure masculine agissant comme un personnage féminin et qui à ce moment-là ne savent plus quoi faire. Et tout simplement, il y a une sorte de moment de flottement où ils sont en mode... Ah, c'est un peu gay, mais... Mais en même temps, c'est bien. Ouais, c'est ça, il y a ça. Mais même le rapport qu'il a avec Vincent Lindon qui campe un personnage absolument formidable. Grand acteur. Très, très grand acteur. Il a vraiment une sorte de... Enfin, je trouve que l'alchimie... entre Agathe Roussel et Vincent Ladon est folle dans le film. La musique, encore une fois, je la trouve très très bonne. Peut-être un peu en deçà de celle de Grave qui vraiment... Oui, pas qu'un peu en deçà. La musique de Grave aussi, c'est... Avec les... Ouais, non, elle est monstrueuse. Je suis en train de prendre note de tout ce que vous dites, les gars. Je suis terminé, t'inquiète pas. Après, évidemment, il y a des scènes que je trouve formidables. Notamment la scène dans la maison, tu sais, quand elle va buter les gens avec le pic, là. Sachez que je connais quelqu'un qui a travaillé avec Julia sur ce film et qui m'a dit, de base, Julia voulait faire tout ça en plan séquence. Ce qui était quasi impossible. Enfin, pas impossible, mais... Bah, il y a déjà quand même un bon début de plan séquence. C'est en plan séquence jusqu'à... qu'au meurtre dans les escaliers. Ça devait continuer encore. C'est déjà un plan séquence. Oui. Ça devait continuer encore, putain, mais... vous êtes combien ? Et elle voulait... Ah, la partie séquence, elle est trop bien. Et d'ailleurs, la personne du coup, que je connais qui a travaillé avec Julia était vraiment en mode, on va faire des faux raccords, etc. Et elle était en mode, non, je veux pas. Elle refusait que ce soit un faux plan séquence. Elle voulait vraiment tout filmer en one shot. Ok. Voilà, c'était juste une petite anecdote comme ça. Je peux démarrer ? Tu peux démarrer. Alors, comme j'ai dit, j'attendais Titan au tournant. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'étais on fire, je suis allé le voir day one, je me suis dit... Non, même pas day one, je suis allé voir la semaine suivante. Je me rappelle parce que j'avais très peur de pas pouvoir le voir et finalement j'ai pu aller le voir la semaine suivante. Alors, comment dire ? Je vais donner mon anecdote avant qui est rigolote. Agathe Roussel est la cousine d'un ami très proche. Voilà. Et, comment dire ? Le film démarre, j'étais chauffé à blanc. C'est-à-dire que ça démarre par un plan séquence extrêmement impressionnant, avec... bref. Plein de voitures, plein de lumière, une scène, ma foi, très sexy, sur une voiture, bref, très très impressionnant. Puis ça vire peu à peu en film de tueur en série. Moi, j'étais parti. C'est-à-dire que il y a des meurtres assez violents dans les 20-30 premières minutes du film. c'est super bien shooté, la lumière est à tomber par terre, la musique dans la première partie est vraiment bonne, Ulysse en a parlé. Il y a des acteurs, à nouveau Agathe Roussel, elle est vraiment excellente dans le rôle. Il y a l'histoire du fait qu'elle s'est tapé une voiture, qui est vraiment plutôt... surprenant. Qui, quand on a vu la scène d'intro, paraît pas crédible, on va dire, mais ne dérange pas. C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'on en parle de cet adultère qu'elle fait à cette pauvre voiture en se tapant le camion de pompier après ? Tristesse. Mais, comment dire ? La première partie, j'étais donc parti, j'étais super content, je m'étais dit, ok, vas-y Julia, impressionne-moi. Sachant que j'ai aucun problème de nouveau avec les films vraiment lents. Et puis il y a la deuxième partie. Le problème, c'est qu'on n'est pas sur un 50-50. On est sur 30 minutes, 1h10. Et la deuxième partie, je me fais chier comme un rat mort. Mais vraiment, c'est... comment dire ? Au-delà du fait, du simple concept de prendre l'identité de quelqu'un d'autre et de s'en sortir plutôt bien, qui m'a quand même fait me dire genre, oh, ok, bon, bah, pourquoi pas. Je trouve ça... Je vais pas dire que c'est mal branlé, je vais vraiment dire que je trouve ça juste super mal géré. Ça... on n'est jamais au clair sur la relation entre Adrien et son père. Ce qui est génial, d'ailleurs, je trouve. Bah, pas non, pas moi. Tu sais quand même, dans le sens où... Bah, c'est-à-dire que tu sais jamais si il l'aime pas, ou s'il est juste teubé, visiblement. Attends, laisse-moi terminer. C'est vraiment... On sait jamais si il l'aime ou le déteste, et quand ça semble à peu près être au clair, c'est jamais vraiment développé ou amené correctement. Ensuite, quand il y a la mère d'Adrien qui arrive, tu te dis, ok, elle a compris que c'est pas lui... Mais du coup, ça veut dire que lui se borne à croire que c'est son fils, ce qui à ce moment-là pourrait être touchant. Mais moi, j'y crois jamais. Je vois juste un mec qui est un peu teubé. Leur relation, j'y crois vraiment pas. Sur la forme, le film est difficilement attaquable. C'est-à-dire qu'à nouveau, il y a des lumières magnifiques, les acteurs sont bons, Vincent Lindon est exceptionnel. Mais je trouve que la narration se perd complètement dans la deuxième partie. Et on n'est jamais au clair sur le message. C'est est-ce que accepte-toi comme tu es, accepte l'autre comme tu es, accompagne l'autre, ne l'accompagne pas. Je pense pas que c'est ça le message. Hein. Oui, mais justement, le fait que ce soit pas au clair fait que moi je sais pas où le film veut aller. Le film perd complètement. Et la première fois, je m'étais déjà dit, bon, est-ce que c'est peut-être juste moi qui l'ai mal reçu, je sais pas trop, je reste distant, pourquoi pas. Et là, en le revoyant, ça a fait que confirmer. Je suis tellement saucé par la première partie que la deuxième partie me laisse complètement de côté. La relation entre Agathe Roussel, enfin entre Adrien et l'autre mec là, je ne la comprends pas. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, je ne vois pas l'intérêt qu'elle a. La scène de fin est chouette, avec oui. L'accouchement du bébé mécanique, pourquoi pas. Mais même ça, avec le fait qu'elle est enceinte d'une voiture finalement, je trouve ça quasiment comme un cheveu sur la soupe parce que j'ai l'impression qu'elle ramène ça à la fin. C'est-à-dire, ah, finalement c'était là, faut le finir. Vraiment, ce film, c'est un film qui dans la première partie me chauffe énormément et qui dans la deuxième partie me désintéresse totalement. C'est vraiment la deuxième partie, je ne suis jamais intéressé. Adrien, je suis pas spécialement attaché à son personnage parce que on la voit commettre des atrocités dans la première partie, mais comme après, elle est toujours extrêmement froide comme personnage. Bah je suis pas, j'ai pas envie de la, enfin, j'ai pas envie de la suivre, mais je la suis de façon très distante. Et même Vincent Lindon, où lui, pour le coup, je suis plutôt attaché, bah, je suis jamais vraiment inquiet ou développé pour lui. Enfin, développé. Je suis jamais investi à ses côtés. Donc ouais, non, c'est un film que j'aime vraiment pas beaucoup, qui m'intéresse pas tant que ça. Je peux pas non plus le désencourager, c'est une proposition de genre en France, faut soutenir. Mais c'est... énorme déception pour moi, tant à sa sortie qu'encore aujourd'hui, un an plus tard. Même si, c'est chouette qu'il ait eu la Palme d'Or, pas de soucis, donnez-lui ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, c'est un film que je passe vraiment pas un super moment devant, et est-ce que j'ai envie de le revoir ? Non. Voilà. C'est probablement le film que j'aime le moins de la sélection. Je t'avoue que la deuxième partie me laisse aussi... Merci, on est ensemble. Mais en fait, alors... le problème de la deuxième partie que j'ai, c'est que c'est confus. Je vois pas le message qu'elle veut dire. C'est cool. Je peux comprendre qu'on vous comprenne ça comme cool, mais moi personnellement, je dis ah, elle veut dire ça, en fait non, elle veut dire ça, en fait non, elle veut dire ça. Et soit c'est plusieurs pistes, mais qui dans ce cas-là n'amènent à rien, soit c'est plusieurs graines développées, mais comme aucune d'entre elles n'est développée, bah tu te dis ok, mais dans ce cas-là, c'est juste des idées jetées à la volée. C'est. J'aurais aimé qu'il y ait un point d'ancrage, c'est-à-dire soit que la relation entre les deux soit plus explicitée, peut-être, ce qui aurait permis déjà plus d'attache pour elle. Elle, lui, qui permet alors de. Qui m'aurait permis d'être plus investi émotionnellement, ou alors que le fil rouge du fait qu'elle est enceinte d'une voiture, faut pas l'oublier, parce que là, en fait, basiquement, on a quoi ? On a un petit peu d'huile qui coule de ses seins, et puis voilà, mais que ce soit plus mis en avant, dans le sens où plus au service de l'histoire, pour avoir quand même un truc qui ramène, entre guillemets, cet événement. Parce que moi, l'impression que j'ai autour de ça, c'est Elle a un accident de voiture au début, elle se met à aimer les voitures, elle s'en tape une, elle est enceinte, on oublie, à la fin elle accouche. C'est vraiment, pour moi, c'est le schéma général du film autour de cet élément narratif. Donc voilà, après avoir cassé le château de cartes. Ulysse, tu voulais rebondir. Je te laisse rebondir tranquillement. Ah bah, en fait, je comprends totalement ton avis, je le respecte évidemment. Encore heureux. Encore heureux, fils de. Mais je peux pas dire que je le partage. Non, parce que on est là pour en parler, mais oui. c'est comprends ma déception. En fait, je comprends totalement, mais c'est vrai que le film, en fait, c'est comme si au début, il filait un bonbon. Je trouve que puis c'est... il te le reprend pour te filer un autre truc, tu vois. Et... voilà, c'est ça. Et moi, pour le coup, j'aime. Bah, te filer un autre truc. Non. T'exciter avec plusieurs propositions et jamais en avoir vraiment. Ou alors tu te files plusieurs morceaux de bonbons différents. En fait, ce que. Ouais, mais c'est plusieurs bonbons mélangés qui vont créer une saveur particulière, moi je trouve, tu vois. Oui, ce que. Ça peut être comme ça que tu le reçois, mais en fait, ce que je trouve dans ce film, c'est que c'est aussi typique d'un deuxième film. C'est-à-dire que souvent dans les premiers films de réalisateur, le mec va filmer ce qu'il a envie de filmer. La personne en tout cas, va filmer ce qu'elle a envie de filmer. Et. Mais en termes. Image, en termes graphiques. C'est-à-dire, si on... Bon, mauvais exemple. On prend le premier film de Kim Ki-duk. Aïe. Qui a fait des films que moi, je trouve assez fabuleux pour certains. Je pense à Lille ou autre. Mais qui, au global, a quand même filmé sur 25 films, peut-être plus d'une cinquantaine de viols. Bah, dès son premier film, au bout de 20 minutes, il y a un viol. Et tu vois que dans ce premier film, il veut filmer cette histoire de rapport entre hommes et femmes. Je suis pas du tout en train de défendre sa carrière. C'est le premier exemple qui m'est passé par la tête. Il veut filmer ça. Et dans les deuxièmes films, souvent, ce que je remarque, c'est que on va retirer ce qu'on veut filmer et on va plus donner le message. Et là, c'est quelque chose que je sais que certains aiment bien, mais que moi, j'avoue, j'aime vraiment pas trop. C'est quand on va sacrifier quasiment toute la forme au profit du fond. C'est un choix, c'est un choix artistique défendable et louable, mais moi, c'est vraiment pas le cinéma que j'aime et c'est une démarche que je trouve quasiment égoïste. Ça dépend du message, je pense, aime beaucoup Titane. Donc voilà, oui. Bisous. Je n'aime vraiment pas l'heure 10 de Titane après la partie tueuse en série. Parce que vraiment, mais faut imaginer, dans la salle, le film démarre sur des lumières folles, la scène de danse qui est magnifique. On voit Garance Marillier, on voit Agathe Roussel, il y a des scènes de meurtre. Et je me suis dit, mais j'étais parti, quoi, c'était génial. Il y avait la scène du tabouret. J'étais super content. Puis le film se ralentit et tombe. Je me suis dit, bon, bah, ok. Et voilà. C'est pour ça, Titane et moi, c'est compliqué. Mais je suis curieux de son troisième film en espérant qu'elle trouve un juste milieu entre le fond et la forme, on va dire. Ok. Oui. Ouais, si vous voulez rebondir de quelque chose. Après, le fond, la forme, si on veut partir sur des questions plus ouvertes dans le cinéma, sur le cinéma en général, le fond et la forme. C'est bien de les allier, mais bon, on peut apprécier des films uniquement pour le fond comme on peut apprécier des films uniquement pour la forme. Oui, mais là, évidemment, pas le problème. Je pense à des films comme, je pense à un mec comme Larry Cohen, qui globalement n'a fait que le fond, la forme, on la voit jamais. Ou, par exemple, moi j'adore Panos Cosmatos, et tu peux n'y voir quasiment que de la forme. Ouais. Là n'est pas le problème. C'est vraiment Titan, c'est vraiment un cas spécifique où. La première partie, c'est de la forme, la deuxième du fond. Voilà, elle tente de faire un 180 dans sa forme, et pour moi, le 180, il finit dans le ravin, quoi. Je trouve ça marche vraiment pas. Ok, bon, écoute. Donc voilà, c'était plus d'ordre personnel. Ouais. Alors, on a fait beaucoup de comparatifs avec Grave, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe technique... Oui, revenons à l'équipe technique. Revenons à l'équipe technique, c'est que c'est les mêmes. C'est-à-dire que à la musique, on a Jim Williams, qui est donc le même compositeur. Ouais. Voilà. Elle veut s'entourer d'une espèce de famille, probablement. C'est ça. Elle fait bien. Le chef-op, ouais, elle fait bien. Le chef-op, c'est Ruben Impens, qui est pareil, le même chef-op que pour Grave. Et pour le coup, la photo de Titan, je trouve, c'est le point que je sauve. Vraiment, il est très très belle photo. Parce que même la musique, dans la première partie, c'est vraiment une musique que je trouve chouette. Et dans la deuxième, j'ai réécouté la BO entière. Bon, ouais, non, drame bourgeois, Non, mais. Comment dire. Je saurais pas comment expliquer ce point-là, mais c'est vraiment une espèce de drame familial qui m'intéresse pas. Et la musique illustre parfaitement ça, en fait. Et bah, on retrouve du coup Garance Marillier. Voilà. Et on retrouve du coup Agathe Roussel et Vincent Ladon qui, pour le coup. Tu dis que tu sois la photo, mais le cast aussi. Ouais, Vincent Ladon là-dedans, ça a dû en chambouler plus d'un peu. Il est possédé là-dedans. Ouais, il est vraiment très très fort. La Macarena. Hein. Ouais, même ses injections là. Ah, sur les fesses, ouais. Mais du coup, après ses séances de sport, comme ça, c'est hurlement, c'est magnifique. Et après, il y a les effets spéciaux. Qui sont donc de Clément Wintz. pas le dessin animé avec les fées. Clément Winx. Clément Winx. Qui bosse, ben, grosso modo, sur à peu près tous les beaucoup de gros films de genre français. Bloody Mallory, Prenons-nous dans les bois. Alors, si on veut commencer par en dehors du film de genre, il a bossé sur Le Prénom et sur D'un Fond Ferme. Ça va. Et sinon, si on veut aller sur le film de genre, Benedetta. Oh. Qui est un film que j'ai. Tu vois, anecdote, je me suis enchaîné les deux, Titane et Benedetta, avec quelqu'un à voir. Je me suis enchaîné les deux, et donc je suis sorti de Titane. Oui. Et j'ai enchaîné avec Benedetta, et alors Benedetta, je sais qu'il a pas été très apprécié, moi je suis sorti, j'étais en transe. J'étais en larmes, j'ai adoré ce film. Je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé le film formidable. C'est un film que j'attendais énormément, et j'ai trouvé ça, mais. Incroyable. C'est un film que ça faisait combien de temps qu'il devait sortir là déjà? Benedetta. Ça faisait longtemps qu'il était retenu. Ouais, c'est 3-4 ans. Mais bon, c'est Benedetta, c'est un vrai film que j'adore. Aussi sur Comment je suis devenu super-héros. Ah, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu c'est le truc de Rodriguez? Non, c'est le truc de. Avec Pio Marmaille. Avec Pio Marmaille. Ouais. Ah oui, j'ai pas vu ça. Aussi sur Mandibule et Le Dain de Dupieux. Ah, pas ouf, Mandibule. Un chef-d'œuvre et un film. Le Dain, je trouve ça très cool. Mandibule, ouais, je trouve ça très chiant. C'est super, c'est sûrement des meilleurs. Le Dain pas vu et Mandibule. Non, bah, c'est gênant. C'est un des films qui quand même arrive à rater la dynamique comique du Palmacho. C'est faut le faire quand même. Hein, au début c'est réussi, mais après dès qu'il y a d'autres gens, le problème c'est qu'il est trop long et pourtant il dure qu'une heure vingt. Même pas. Taureau, Taureau c'est marrant 3 minutes, mais c'est non pas, c'est pas marrant. C'est marrant jamais. Secondes. C'est marrant jamais. Non, comme Adèle Haenel, c'est enfin Alexarchopoulos. Exarchopoulos, c'est pas drôle. Ouais, arrêtez de dire ah excellent quand elle fait que crier tout le temps, c'est horrible. À la limite. Quand on croit qu'elle a tué le chien, ça me fait rire. Le reste, bon. Après, moi, je vais pas mentir, Dupieux, j'ai jamais beaucoup rigolé. Si, devant le gag de l'huître dans Au Poste. Ok, ouais. Ça m'a beaucoup fait. Et Orelsan dans Au Poste est très drôle aussi. On est vraiment passé de Quentin Dupieux à. De Julien Ducournau à Quentin Dupieux. C'est ça, voilà. On te laisse reprendre. Voilà. Même. Mais aussi, donc, sur des films étrangers et réalisés par des Français, comme Leatherface. De Boussio et Mori. Qui est un film compliqué. Qui a une histoire compliquée. Ou Catacombe de Grégory Levasseur. C'est lui qui a. Non, c'est pas lui qui a fait Catacombe. Non, je trouve avec Pyramide. Ah, c'est nul à Yesh ce truc. Ouais, Pyramide, c'est. Non, c'est Catacombe, oui, nul pardon. À Yesh. Et Catacombe, non. C'est pas mal. Catacombe, c'est. Oui, non, Catacombe, c'est sympa, ouais. L'anecdote, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma. Ça se tient, moi, c'est Crimson Peak. T'en fais ce que tu veux, je suis fier. Joli. et aussi sur Lucie. Ah. À la fin du film, j'ai réalisé que quelque chose coulait sur ma joue. Je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Non, Lucie, tu sais, enfin. Non, Lucie, c'est admirable. C'est, en fait, c'est génial d'être aussi con et de le faire à fond, quoi. C'est admirable, c'est admirable. Clé mais... USB sur 20. Ouais, clé, non, mais. En fait, j'aimerais bien de ne jamais le revoir, en fait, si possible. Avec Valérian, tu vois. Moi, je l'ai jamais revu. Donc, je tiens bien pour l'instant. Et on était sur Boussier et Maury, mais au lieu des vivants aussi, qui ont des bons effets. Très bon, en termes d'effets, ça va. Attends, j'y pense. C'est lui qui a fait les effets sur Leatherface? Ouais. Ok, ça va. Donc, je les ai fait sur. Et aussi, je passe vite fait, Captif, La Meute et La Horde. Okay. Pas que des bons films. J'en ai vu aucun. Mais au moins, c'est des films où les effets sont cool. C'est des effets généreux. Voilà. Et donc, bah, on parlait de Cannes aussi, mais bah, c'est la première fois qu'une femme seule gagne la Palme d'Or. Parce que Jane Campion, c'était égalité avec un autre film. Donc voilà. Mais l'histoire aura donné raison à Jane Campion parce que personne ne se rappelle de l'autre. Il me semble que c'était un Asiatique, je crois. Mais je suis pas sûr. Peut-être. Ouais, mais après, ça reste super bien qu'il ait eu la Palme d'Or et ça reste bien qu'il y ait des films comme ça qui puissent exister en France. Oui, c'est con qu'il ait fallu attendre 74 festivals de Cannes. Oui, c'est ça. C'est, mais nous, le genre en France, c'est un autre sujet, un autre débat, d'autres lieux. Mais c'est bien que ce film existe. Oui. Maintenant, mieux. Ce serait bien. Je sais pas, le fait de dire j'aime bien, c'est bien que ce film existe, je trouve ça un peu condescendant. Genre. Non, c'est pas ce que je veux dire c'est par dire là. Que... En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je suis content que le film. Que le film ait pu être produit et que le film ait pu vivre dans France, c'est ça. Et a pu avoir un public. Voilà, c'est ça qu'il est. Tu vois, quand je dis que je suis content que le film ait pu exister, c'est juste pour dire, moi je ne l'aime pas, mais je vais pas prendre des fourches et des torches pour le brûler. Ouais. Tu vois, c'est pas comme Nicolas Bedos. Nicolas Bedos, je serais content si ces films ne pouvaient pas exister. Pouvaient ne pas exister tout simplement. Là où Titan, au contraire, c'est juste moi qui vraiment n'aime pas le film, mais c'est bien qu'il ait trouvé son public et c'est bien qu'il continue de vivre. Donc rapidement, pour approcher la conclusion, où trouver les films? Alors, Altered State, en France, non. Non. En France, il n'existe pas. Il y a un DVD français, mais qui est intopable autrement. Vu qu'il y a une VF, ouais, c'est... Mais il est intopable autrement, il est très difficile à trouver. Ah, il me semble qu'il existe en Blu-ray en Angleterre. Roman, si tu peux vérifier. Ouais. La Mouche, c'est très facile à trouver. Oui, il est en Blu-ray, en DVD en France et il est sur Disney+. Tu peux même aller sur EasyCash, tu le trouves fastoche. Là, voilà, hein. Tu le trouves très facilement. From Beyond, il y a un Blu-ray et un DVD français, mais qui sont épuisés aujourd'hui, introuvables. Ah ouais, que j'ai le Blu-ray. Ouais, il y a un très beau coffret Mediabook allemand. Il y a un très beau coffret Mediabook allemand qui. Bon, les Allemands, après, ils éditent à peu près tout en Blu-ray. Et il est trouvable sur Tubi aux États-Unis. American Mary, il y a un Blu-ray français. Il y a un Blu-ray français. Et je suis pas sûr qu'il y ait un DVD français. Peut-être, je sais pas. Il y a des ça. Fois. Mais il est trouvable sur Frickson VOD actuellement. Ouais, Frickson Tour. Frickson tout court. Spring, il est pas dispo en France. Il est disponible sur Shudder. Il est sur Shudder aux États-Unis, mais il est pas dispo en France. En général, les Benson Moorhead, bah Endless, il me semble qu'il est sur Frickson. Alors, Alter State, je fact-check. Il y a deux éditions Blu-ray américaines qui existent. Il y a une édition britannique, canadienne et une édition espagnole. C'est la britannique que j'avais en tête. Donc voilà, Spring, difficile à trouver. Et Titan, alors il est sur aucune plateforme en ce moment, si je dis pas de bêtises, avec la chronologie des médias. Logiquement, non. Mais il est facilement trouvable, Blu-ray, DVD. D'ailleurs, dans le Blu-ray de Titan, il y a un DVD de Junior. Voilà, qui est. C'est vrai ? Ouais. Donc voilà. Dans le Blu-ray, l'édition Fnac. Ouais, okay, tu l'as topé autre part, je sais pas. Non, moi j'ai vraiment un Blu-ray à marée. Mais donc voilà, c'est vraiment. Tu l'as acheté à la Fnac ou pas? Non, je l'ai acheté en. Donc il a récupéré d'occasion. J'ai eu d'occasion, ouais, ça. Ah, ouais, ok. Mais donc voilà, c'est. Les films sont plutôt faciles à trouver au global. Mais donc voilà, est-ce que vous avez des petites cartes body horror que vous voulez sortir de votre manche au dernier moment? Le Loup-garou de Londres! Qui est une scène body horror. Il y a une scène body horror, mais il fallait en parler parce que ouais. C'est une scène quand même qui a fait son petit bonhomme de chemin. Je vais dégainer l'autre film que j'ai hésité à proposer pour aujourd'hui qui est. Beat. Vraiment une. Ta gueule! Qui est vraiment une saloperie, mais qui est un film que j'aime beaucoup, qui est très très sale, qui est vraiment vraiment crado, qui est le film Bite. Alors oui, Beat, qui est réalisé par Chad Archibald, donc qui est, en plus d'être un très beau nom, qui est un bonhomme qui a fait d'autres films que. Alors j'ai rien vu, c'est un film qui est sorti en 2015, qui dure 1h30, qui est l'histoire d'une femme qui va devenir une espèce d'insecte bizarre, mais c'est pas comme dans La Mouche. Là vraiment l'intérêt c'est de voir de la saloperie. C'est vraiment très sale, mais c'est un chouette petit film un peu dégueu si vous avez envie. Le Blu-ray espagnol de Alter State à NVF. NVF, d'accord. Ok, bah je vais l'acheter. Voilà, et des sous-titres français aussi. Bah je vais l'acheter. Il est en zone 2. Bah oui, c'est l'Espagne, c'est européen. Let's go. Tac. Donc est-ce que vous avez d'autres petites pépites body horror peut-être, Roman? Bah The Thing, hein, globalement. The Thing. Ouais. Autre chose que Loup-garou de Londres, toi, pour toi? Loup-garou de Paris peut-être? Non, on va pas faire ça. Avec Thierry Lhermitte. Le Loup-garou de Paris, très bon film. Ah bah on parlait des faits numériques dégueulasses. Mais en vrai, il y a Street Trash que j'aime bien. Qui est vraiment une saloperie pour le coup. Ouais. Mais une scène de volée avec une bite. Ça, bah dans la même veine que Street Trash, mais qui est pas tant body horror, mais qui est à nouveau un peu crapoteux avec à nouveau des corps déformés. Il y a Shud, cannibale, humanoïde, usurpateur, ouais. Dévastateur. Ouais. J'adore. Ouais, ouais. Voilà ça, et le retour des morts vivants 3 dont on avait déjà parlé, de Brian Usnock, enfin de Brian parlé, qu'on avait parlé en début d'émission. Donc voilà, on conclut tranquillement. Ouais. Et du coup, est-ce que Ron, tu veux expliquer peut-être les indices qu'on aura donnés? Donc à nouveau, il y aura eu les têtes des réalisateurs. Ouais, donc des réalisateurs et réalisatrices. Et réalisatrices qu'on aura donné. Voilà, donc cette fois-ci, il y aura 7 têtes et pas 6. 7 têtes, ou alors tu trouves une photo avec les deux. Oui, bah, ça, il y aura quand même 7 têtes. Oui. À moins que. Oui. Bah non, 8 têtes du coup, parce qu'il y a Sir Soska et Jason. Ah oui, 8 têtes ouais. Du coup, c'est vrai. Ça, et ensuite, le corps, je pense que Body Horror. Voilà, on mettra bah, le corps. C'est oui. Assez, assez évident. Et le Loup-garou de Paris, parce que de Londres, pardon, le Loup-garou de Londres. Non, on a dit parce que tu veux mettre The Thing? Parce qu'on ne sait pas encore quel est le troisième indice qu'on aura mis, mais. Le Loup-garou de Londres. Ouais, le Loup-garou de Londres. Allez. Qui pour, pour la scène. Voilà. C'est dit, c'est fait. Qui aura une scène body horror assez exceptionnelle. Voilà. Oui, mais surtout en fait une scène dès l'entrée des années 80 qui est dans un espace en pleine lumière, donc pas de triche, et qui arrive en fait à avoir un rendu, savoir-faire. Un rendu qui ne vieillira jamais. Un rendu qui ne vieillira. Non, vraiment. Tout comme le Loup-garou de Paris. Non, ça par contre. Je vais vomir, hein, vraiment. Tu parlais tout à l'heure du fait de faire les SFX dans le body horror. Le fait que le numérique l'implication que tu peux avoir puisque tu ne crois pas que c'est réel. Ouais. Démonstration. Démonstration, on a des loups-garous de PS2. Ah, ça. Oh, j'ai les. Oui, t'as les images. Ouais, arrête, je vais me laver les yeux après ça. Bon, on vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Ouais, merci à toi, Ulysse, d'être venu avec nous, d'avoir défendu Titan, bec et ongle. Vraiment. Bec et ongle, courrier même. On vous invite à partager. Partager, commenter ce que vous voulez. A priori, le prochain épisode sera un épisode de saison, à nouveau. Ouais. Le thème devrait pas être trop dur à deviner pour cette fois. Oui. Indice, Maria Carré. Trop simple. Et juste après, ce sera l'épisode participatif. C'est ça, donc vous nous avez suggéré des films. On va tirer au sort très prochainement. Là, c'est trop tard. Là, vous pouvez plus nous en suggérer. On va les tirer au sort et on va les regarder. L'épisode sera sorti, on va les tirer au sort et on va poster ça. Bah, du coup, merci à vous les gars, et à la prochaine. Merci à toi, et salut.